Et salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Magic 101. Ceci est l'épisode 6.1. Mon nom est Guillaume, je suis votre animateur et pour se joindre à moi comme co-animateur encore cette semaine, nul autre que Renaud Giraldo. Salut Renaud. Salut Guillaume. Ben Salut salut. Les auditeurs. Ouais, salut. Donc pour ceux qui sont avec nous en direct, bonsoir. On va essayer de faire un tour relativement succinct, mais qui notre but en fait, c'est de vous préparer pour demain soir, pour votre pre-release. Pour l'avant-première, Guillaume. L'avant-première, ça va me rentrer dans la tête. Oh ouais, je sais. On fait un effort pour améliorer le français. C'est juste, hein, comme on vous l'avait dit au premier épisode. Moi, c'est ancré dans mes mœurs, là, les mots en anglais avec Magic, donc en tout cas. L'avant-première. Donc, l'avant-première demain de Fate Reforged ou Destin Reforgé, hein, n'est-ce pas? Mm-hmm. La façon qu'on va fonctionner, Renaud a fait un petit tour d'horizon. Il nous a ciblé quelques cartes qui pensent que, dans le fond, qu'il y a un bon intérêt à discuter pour aujourd'hui, dans le fond, pour nous préparer pour l'avant-première. En fait, en général, on va pas trop vous parler des rares et des mythiques parce que précisément pour le pre-release, veux pas, si vous avez des mythiques ou des rares dans une couleur que vous prévoyez jouer, elles risquent d'être bonnes, n'est-ce pas, Renaud? Ouais, les rares dans cette série-là sont pas mal toutes bonnes. Ouais, tu sais, évidemment, avec le temps, si jamais vous avez de la difficulté à juger, bon, c'est une rare ou une mythique et pas, maintenant, ça force dans un environnement. Éventuellement, on fera un épisode sur ça, comment évaluer les cartes en général. Mais grosso modo, là, si jamais vous jouez une couleur et que vous avez des rares, des mythiques dans cette couleur-là, ben si vous voyez que ça cadre bien dans votre pile, ben je pense qu'elle va pas vous nuire. Donc, on va plutôt concentrer nos énergies sur les communes et les zones communes et on va y aller couleur par couleur. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent suivre avec nous, vous avez juste à aller. Nous, on utilise la page de mythicspoilers.com. Donc, si jamais vous allez sur cette page-là, cliquez par couleur et vous allez pouvoir suivre avec nous. Donc, t'es prêt, Renaud? On va pas trop s'éterniser puis on va essayer de rentrer dans le vif du sujet le plus rapidement possible. C'est bon? Oui. Excellent. Donc, on va commencer déjà avec blanc. La première carte dont tu voulais nous parler, ben là, en fait, je me contredis, mais c'est d'Agathor. Tu voulais quand même dire un petit mot sur ça. On parlera pas de plusieurs... De toutes les rares en détail, mais celle-là, je pense que c'est important que vous sachiez que la deuxième habilité, ben, l'habilité de d'Agathor que vous pouvez activer, là, vous permet de déplacer des plus un compteur de n'importe quelle créature vers une autre créature. Et donc, vous pouvez prendre des plus un compteur sur les créatures de vos adversaires, ou vous pouvez vous faire prendre vos plus un compteur. Et s'il y a des créatures avec Atlas sur le jeu, là, ça peut rendre les blocs et les attaques vraiment plus complexes que prévu. Ouais, vraiment. Hein? Surtout dans une série avec Outlast où les counters sont quand même présents, c'est clair que il faut juste être un peu à l'affût, puis on peut peut-être utiliser cette habilité-là à notre avantage avec des lignes de jeu que certains joueurs peut-être ne s'attendaient pas. C'est ça, contrairement. Il n'y avait pas de ce genre de carte-là dans Gatecrash, quand il y avait Evolve, là. Ouais, en effet. Il n'y avait pas ce genre de carte-là qui te permettait de voler les plus un counter de tes adversaires. Puis là, cette carte-là risque de faire pas mal de dommages. Ouais. C'est vraiment une carte à jouer en fin de semaine si vous avez l'occasion. Oui, oh yeah. Donc la prochaine carte dont on voulait vous parler, c'est le dragon. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, au niveau uncommon, il y a un dragon par couleur et dans le blanc, c'est la carte World Scale Dragon. Oui, ben tous les dragons coûtent deux mana de leur couleur plus 4 colorless, puis ont des statistiques de base de 4-4 flying. Mm-hmm. Donc elles sont quand même toutes raisonnables pour leur coût. Fait qu'à la base, admettons, si on parle d'aucune habileté, admettons qu'on sait que dans chaque couleur, il y a une 4-4 flying pour 6 qui coûte 2 de la couleur, 4 colorless. Tout juste comme sur le test de la vanille, là, est-ce que tu serais content de jouer une carte comme ça ou ça te prend une habileté qui va te pousser à jouer ces cartes-là en général? Non, c'est tout à fait raisonnable en limité. En fait, c'est vraiment très bon, là, en fait, à mon avis. Okay. De l'évasion qui a assez de puissance comme ça, là. Ouais. 4, ça commence à être assez bon. Ouais. n'y a pas tant de choses que ça qui peuvent bloquer une 4-4 qui vole. Et pour ce qui est du Ward Scale Dragon, son habileté qui dit que tant que le Ward Scale Dragon attaque, l'adversaire, ben en fait le defending player, peut pas caster le spell. Comment cette habileté-là, est-ce que tu penses que c'est vraiment une plus-value sur cette carte-là? Dans certaines situations, ça va être intéressant pour vous de pas avoir à se soucier de kill shot ou de d'autres cartes qui ont en fait dans Destin Reforgé comme on y viendra, mais tu sais, Sandblast ou Whiskaway qui se jouent durant le combat ou d'autres cartes comme Feat of Resistance. Il y a plusieurs cartes comme ça, puis c'est quand même assez marginal, mais ça va être bon. Je crois que vous allez toujours être content que votre adversaire puisse rien faire lorsque vous allez attaquer, là. C'est comme un pseudo-hexproof, mais qui est vraiment qui juste te permet d'avoir des combats qui sont relativement directs, là, que tu sais à quoi t'attendre quand Oui, t'attaques ben, avec. ça vous empêche pas de jouer vos sorts pendant le combat, donc ça. Définitivement un plus. Un Si plus. ça avait empêché tout le monde de jouer des sorts, là, ça aurait Excellent. pas été aussi bon. Excellent. Donc, la prochaine carte qu'on veut parler, c'est Wandering Champion. Donc, un colorless, un blanc, 3-1. Et le texte, c'est quand le Wandering Champion fait du combat à un joueur, si tu contrôles un permanent bleu ou rouge, tu peux looter. Donc, discarter une carte et piger une carte. Une habilité qui est toujours la bienvenue, là. Moi, looter, c'est quelque chose qui. Ce que je trouve avec le loot qui est intéressant, c'est le fait que à tous les stades du match, peut-être à part quand tu n'as aucune carte dans les mains, là, mais tu vas pouvoir aller te chercher un peu plus d'essence là, dans ta pile. C'est-à-dire que tu as juste à te garder un land dans ta main quand tu sais que tu as cette carte-là, puis tu vas toujours pouvoir faire un cycle avec tes lands puis aller te chercher des cartes. Donc, en tout cas, moi, looter, c'est quelque chose que je donne de la valeur là, en limité. Tout à fait. La sélection de cartes, c'est vraiment excellent. Puis le fait que ce soit sur une créature blanche, ça rend ça. C'est une des meilleures couleurs. Donc, c'est une bonne habileté dans une couleur qui est forte. D'après moi, cette carte-là, elle va être pas si mal. C'est sûr que le fait qu'elle ait un de toughness, ça rend ça un petit peu plus tough, n'est-ce pas? Oui, c'est clair, mais en même temps, un ou deux dans ce Pour format-là, j'ai l'impression passer que au ça ne change travers. pas grand-chose, là. Tu sais, c'est un ou Mais deux. avec Bolster, on peut s'attendre à ce que ce soit une des créatures qui reçoivent des plus en plus de counters si on joue des cartes comme Heroes Reward, par exemple. Oui, Donc, donc. ça a un certain avantage d'avoir un de toughness au départ, à la base. Chose qu'en temps normal, ce serait pas un avantage dans d'autres formats. Donc, juste là, tu as fait référence à Bolster, puisqu'on n'en a pas parlé. Donc, c'est une mécanique qui est propre à Fate Reforged. Donc, Bolster, comme c'est la première fois qu'on en parle, je vais le définir brièvement. Puis après ça, on va passer comme si vous compreniez le concept. En fait, Bolster va toujours avoir un chiffre après. Ce que ça veut dire, ça va être un nombre de plus un counter que vous allez mettre sur la créature qui a le plus bas toughness, donc le moins de toughness dans les créatures en jeu. C'est important de savoir que. Dans le fond, le trigger, ça résolve à la résolution. Donc, c'est lorsque Bolster va résoudre, dans le fond, qu'on va choisir la créature avec le plus bas de toughness. Ce qui veut dire que si, par exemple, vous avez une 2-3 et une 2-1, le Bolster, par défaut, va aller sur le 2-1. Donc, vous allez choisir la créature qui a 2-1. Mais si votre adversaire décide de tuer votre 2-1, ben, vous allez pouvoir choisir votre 2-3, même si la 2-1 a été choisie, donc a été, disons, tuée. Ce qui veut dire que vous n'allez pas perdre votre bolster si jamais la créature que vous alliez choisir à la résolution se fait tuer. Est-ce que je En résume effet, ça en fait, correctement, ouais? le choix va se faire à la résolution et durant la résolution d'un sort, il n'y a pas de réponse Il n'y a pas de possible. réponse, ouais, Donc, exactement. Excellent. Donc, tant qu'il y a à parler de bolster, on a une carte commune en dessous qui s'appelle Abzan Sky Captain, qui coûte 3 colorless, un blanc, qui est 2-2 flying. Et quand elle meurt, elle a bolster 2. Quand même intéressant déjà d'avoir de l'évasion. 2-2 flying pour 4, c'est pas suffisant, mais le fait d'aller rechercher de la valeur quand ça meurt, quand même intéressant, non? Mais je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je dirais OK. que 2 flying pour 4, c'est raisonnable. Dans la Ouais. plupart des formats en limité, c'est quelque chose qui est correct. Puis, Bolster 2 est écrit sur une carte qui, c'est gagne 2 vies, Bolster 2. Ça vaut une carte et 2 de mana. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est quasiment comme si, l'habilité Bolster 2, c'est quasiment comme une carte, si on veut, entre guillemets. Oh, ok, ouais, je vois où ce que tu veux. Il y a des formats comme où il y a une 2-2 pour 4 qui, quand elle meurt, va piger une carte ou va faire une habilité lorsqu'elle va mourir ou lorsqu'elle arrive en jeu. Des fois, c'est détruire un enchantement comme Cloud Chaser ou bon, Kingfisher dans Destiny, Oh, Runewing, c'était Runewing, je crois, ouais, mais ça, c'est Return une to carte, Ravnica. ça. Ouais, Dans Return to Ravnica, pour ceux qui savent. Fait que l'équivalent d'une carte sur une 2-2 qui vole pour 4 mana, c'est raisonnable. C'est une commune de qualité. excellent. Dans le fond, brièvement, moi, je me dis, je suis d'accord avec ce que tu dis. En même temps, si tu me donnes le choix entre une créature qui coûte 4, 2, 2 flying et que je pige une carte quand elle meurt ou Bolster 2, c'est clair, je prends pige une carte demain matin. Mais en même temps, c'est vrai, comme tu dis, que Bolster 2, ça vaut presque une carte dans certaines cartes. Là, je pense qu'il y a Bolster 3 qui vaut une carte à quelque part, une uncom. Donc, c'est vrai que ça a quand même de la valeur. Puis, c'est une carte qui est absolument jouable, puis une carte qui devrait faire nos decks blancs là, 100% du temps. Là. Tout à fait. Puis si vous êtes capable, si l'adversaire a des attaquants qui ont first strike, c'est bon contre first strike en fait, parce que si votre adversaire a first strike, vous pouvez bloquer. Puis sur le first strike, donner des counters à une autre créature qui bloque un. Donc ça peut rendre le combat difficile pour vos adversaires. Vraiment intéressant. On va revenir dans les Uncommon. On va aller voir une carte qui s'appelle Channel Arm. C'est une carte bien intéressante. 5 colorless, un blanc, un instant. Et je te laisse nous expliquer la carte parce qu'il y a beaucoup de texte. Puis Bon, vas-y. d'abord, vous prévenez tous les dommages qui vont être faits à vous puis à toutes les permanents que vous contrôlez. Puis ensuite de ça, vous redirigez tout ce dommage-là sur une créature. Donc, ouais, c'est pas mal. C'est ça, c'est comme un genre de C'est pas mal fog. intense. Ouais, c'est ça, une espèce de fog, mais qui redirige tout sur une créature de l'adversaire et qui prévient tout. Même en attaquant, c'est bon. En défense, c'est super. Tu sais, le seul défaut de cette carte-là, c'est évidemment 6, mais dans un Ouais, mais format. Ouais, vas-y, Renaud. admettons là, j'attaque avec deux morphs puis une autre créature là, puis que vous faites n'importe quel bloc de moindrement favorable là, ou avec des échanges là, une 2-2 pour une 2-2 puis une autre 2-2 pour une autre 2-2 puis que vous castez Channel Arm parce que la personne pense que vous allez démorpher là, ou quelque chose du genre. Puis que là, vous faites Channel Arm, non seulement vos créatures ne reçoivent pas de dégâts, mais elles vont en faire. Plus tout ce qu'elles vont recevoir de dégâts va être refait sur une autre créature. Donc, ça peut très bien. Si c'est bien joué, là, cette carte-là, ça peut facilement se retourner comme étant un Plague Wind, là, Oh ouais. puis détruire toutes les créatures de votre adversaire. Disons que au début du format, puis justement comme vendredi soir ou samedi matin, disons, c'est clair que c'est le genre de carte que si vous la connaissez, vous voyez que votre adversaire a 6 de mana, qu'il y a des morphs, oui, pensez c'est quel morph qu'il peut avoir, mais je vous conseille de jouer autour de Channel Arm parce que c'est le genre de carte qui peut vous faire perdre en un instant. C'est sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui va perdre à Channel Arm vendredi. C'est Oh, écrit dans le ciel. c'est écrit dans le ciel, c'est sûr, sûr, sûr, sûr, sûr et certain, Oui. 100%. Ouais. Donc Plus on. que nous. Ouais, c'est ça, plus qu'un match. Puis, c'est vraiment difficile de jouer autour avec. Si vous avez des morphs en jeu, ça va vraiment être difficile pour votre adversaire de jouer autour. Il va déjà avoir tellement de choses à penser juste avec les morphs qu'il pensera pas à Channel Arm. Ouais, donc belle Et carte quand s'il même. pense à Channel Arm puis qu'il pense moins au Morph, non, vous voyez, vous avez toujours moyen de. Si vous avez Channel C'est Arm dans ça. vos mains puis 6 mana, vous avez toujours moyen de tirer profit de la situation. Ah, c'est clair. Ok, excellent. Donc, on continue avec les zones communes. Tu voulais nous parler de Lightform. Encore là, je te laisse peut-être nous expliquer la carte. C'est un enchantement qui coûte un colorless, deux blancs. Oui, et puis lorsqu'il arrive en jeu, vous manifestez. Et puis vous attachez l'enchantement Lightform dessus. Et puis ça devient un aura qui donne Flying et Lifelink. Donc, peut-être prendre 2 secondes pour nous expliquer Manifeste. Manifeste, vous prenez la carte du dessus de votre librairie, puis vous la transformez en Morph 2-2. Si c'est une créature, vous pouvez la démorpher pour son coût converti en mana ou pour le coût de Morph si c'est une créature qui avait déjà Morph au départ. Ouais. Donc les Morphs qui vont se retourner en révélant une carte, par exemple. Ben, vous pourriez le faire si c'est une créature manifestée. Puis, si c'est un instant ou une sorcellerie ou une land ou un enchantement ou autre chose, ben, ça va rester une 2-2 colorless jusqu'à ce qu'elle meure. Ouais, donc puisque on avait dit là, que les morphs, à la fin du match, il faut toujours les révéler pour pas qu'on mette par exemple, un land en morph. Là, ici, ça veut dire qu'on pourrait manifester des lands, donc ça devient peut-être un peu. Faut peut-être être précis pour faire la distinction entre nos morphs et nos manifestes lors du match pour pas créer de confusion. En tout cas, moi, ce serait le conseil que je donnerais. Si vous jouez avec des morphs et des manifestes, si vous n'avez pas les tokens, assurez-vous que c'est clair avec votre adversaire lesquels sont des manifestes, lesquels sont des morphs. Ouais, tout à fait. Moi, je vous conseille même de vous fabriquer des tokens là, puis de mettre créature face down avec un numéro pour chacune pour vous rappeler quelle qui est arrivée en jeu en premier, là. Ça risque d'être vraiment important pour pas que vous ayez de mauvaises situations où est-ce que vos adversaires commencent à jouer des morphs qui sont des lands. Ça s'est déjà vu même avant qu'il y ait la possibilité qu'une land existe en morph. Il y avait des gens qui s'essayaient. Dans les pré-releases, il n'y a pas vraiment d'enjeu, donc j'imagine que les gens ne faisaient pas ça dans des pré-releases, Non, non, évidemment. mais ça s'est vu dans des côtés de tournoi compétitifs, puis c'est vraiment désagréable. Puis, dernier détail sur Lightform, juste pour dire à nos auditeurs, c'est qu'admettons justement que vous faites Lightform et que ça tombe que c'est une créature, que disons que c'est, je sais pas, là, une créature qui est 3-3, Trample. Lorsque vous décidez de, par exemple, là, elle manifeste 2-2 Flying Lifelink, vous payez, par exemple, 4 pour avoir votre 3-3 Trample et elle garde le Flying et le Lifelink. Donc, même si vous tournez votre créature, l'enchantement reste attaché à la Oui, créature. tout à Donc, fait. petit détail. Prochaine zone commune dont on va parler, Jeskai Barricade. Quand même très intéressant comme petite carte, moi je trouve, en tout cas, je trouve qu'il y a plusieurs possibilités de lignes avec Jeskai Barricade. Le fait que ce soit une 0-4 pour un colorless, un blanc, Defender, bon, jusque-là, il n'y a rien de si impressionnant, mais le fait qu'il y ait Flash, déjà là, ça peut être le fun pour les combats, mais c'est son habileté qui peut être servie à notre avantage. Donc, Renaud, peut-être nous parler de quelques lignes que tu avais envisagées avec Jeskai Barricade, puis nous expliquer son habileté. Oui, ben, surtout avec Manifest, en fait, vous pouvez retourner des cartes qui ont été manifestées, qui sont des instants ou des sorceries, ou même des enchantements. Ça peut être bon, là. Donc, Ça peut devenir non seulement, ça a été une 2-2 pendant quelques tours, puis que vous avez attaqué avec. Puis ensuite de ça devient une carte que vous pigez grâce à Jeskai Barricade. Puis dans ce cas-là, ça devient quasiment un Wall of Omens pour deux en instant. ce qui est quand même pas dégueu. Ce qui est quand même pas mauvais. Puis là, à rajouter à ça, si votre adversaire essaie de jouer un removal sur votre carte manifestée, là, puis là, vous avez une recette gagnante pour votre pré-release. C'est vraiment une carte qui peut mener à des situations très puissantes. Puis juste le fait de sauver une créature d'un removal, étant donné que le removal dans cette série-là, puis dans Khans of Tarkir, est déjà moyen, ça fait en sorte que c'est une comme de très grande qualité, à mon Ouais, avis. moi aussi je pense que ça va être une carte très utile. Genre de petite carte qui fait son chemin dans un deck puis que finalement on voit toutes ses possibilités au fil qu'on apprend à jouer le format. Moi aussi je pense que c'est une non-com de belle qualité. On continue encore dans les zones communes blanches. Donc jusqu'à maintenant la qualité. Si je peux me permettre, pour ceux qui se rappelleront, s'il jouait dans ce temps-là, mais dans Planet of Chaos, il y avait White Mane Lion qui était une 2-2 pour deux flash qui faisait essentiellement la même chose. Quand elle arrive en jeu, tu dois retourner une créature que tu contrôles dans tes mains. Puis c'était vraiment une très bonne carte dans ce format-là. Ça permettait essentiellement de contrer un removal de ton adversaire. Et je tiens à dire aussi, ben, c'est un petit Pour deux détail, là, blancs, mais. c'est quelque chose qui est vraiment très bon. Ouais, puis là, c'est un détail, mais c'est You May Return. Donc, advenant que vous n'avez pas d'autres créatures, vous voulez juste la jouer en flash pour bloquer, puis que bon, là, vous décidez que vous n'avez pas d'autre choix que de la jouer sans en tirer plus de profit, ben vous n'êtes pas obligé, là. C'est pas. Si vous n'avez pas d'autres créatures, vous pouvez quand même la jouer. Donc, quand même, ça aussi, c'est quelque chose qui joue en sa faveur comme carte, je pense. Si vous êtes mal pris et que vous devez absolument bloquer, oui, en effet, ça peut être bon. OK, on continue avec Elite Scale Guard. C'est une non-commune qui, sur le test, l'échelle d'Avané, disons, là, qui coûte 4 colorless, 1 blanc et qui est 2-3. Pour l'instant, on n'est pas impressionné. Qu'est-ce qui va être écrit sur cette carte-là pour qu'on puisse la jouer? Ben, tout d'abord, quand elle arrive en jeu, elle a Bolster 2. Donc, on rajoute deux counters à une créature. Si c'est pas elle qui est la plus petite créature le plus petit offense, ben, ce sera des counters qui pourraient même être servis pour attaquer dès ce tour-ci. Donc, Ok, donc attends un petit peu, Renaud, c'est déjà bon. on prend une petite pause. Ça veut dire que si Elite Scale Guard est la seule créature qui est en jeu lorsque je la joue, disons mon board il est clean, j'ai rien sur mon board, je joue ça, les counters de Bolster peuvent aller sur la créature elle-même. C'est pas nécessairement another creature, c'est ça. Non, c'est celle qui a le moins de toughness parmi toutes les créatures que vous Donc contrôlez. voilà, donc ça c'est important à noter parce que la créature devient soudainement une 4-5 pour 5. Là, on commence déjà à parler. Et ensuite, son autre habileté, c'est quand une autre créature que tu contrôles qui a un plus un counter sur elle attaque, on tape une créature que notre adversaire contrôle. Oh là, on parle d'une habileté qui peut faire du dégât en limité, c'est clair. Oui, ben déjà, dans Guardians of Tarkir, il y avait plusieurs situations où le board bougeait pas, là, puis qu'il n'y avait rien qui se passait, puis que ça prenait quelque chose pour enlever des bloqueurs ou pour passer au travers ou avoir de l'évasion. Puis ça, c'est une très bonne façon de le faire. Puis même sans le Bolster 2, d'avoir des créatures qui ont Outlast ou Feat of Resistance. Ça veut dire que le tour où vous jouez ça, vous pourriez enlever un, deux ou même trois bloqueurs là, lorsque vous allez attaquer ce tour-ci, puis changer toutes les mathématiques de combat pour votre adversaire. Donc, Moi, je ben. pense que c'est vraiment une non-commune. C'est pas quelque chose que vous voulez tant que ça d'avoir bon, une carte qui coûte 5 dans votre deck, là. Ouais. Si possible, limiter les cartes qui coûtent cher, mais Ouais. celle-là vaut la peine. Ouais, excellent. Jusqu'à maintenant, moi, je trouve que ça, les zones communes blanches, c'est bien. Et ça continue. On va parler d'une carte qui s'appelle Valorous Stance, qui coûte un colorless, un blanc, et qui est une carte modale, donc on a le choix entre deux modes, soit qu'une target creature gagne indestructible jusqu'à la fin du tour, ou destroy target creature, donc on détruit une créature de notre choix qui a un toughness de 4 ou plus, et quand même, avec les dragons qui sont un peu partout, je pense qu'on va réussir à trouver une target pour Valorous Stance dans notre pré-release, là. Vous allez trouver votre compte pour ça, puis même si c'est de rendre une de vos créatures indestructibles, ça donne quand même beaucoup de valeur. On parle d'une carte qui va être jouée en standard, en construit, puis c'est encore meilleur en limité parce que ben, c'est un bon removal en instant qui coûte 2. Puis ça peut aussi être une protection pour une de vos créatures. Fait que, je Ah pense qu'il non. n'y a pas plus de choses à dire sur cette carte-là. Ouais, c'est ça, c'est une carte. C'est juste une belle carte, bien faite, qui va être utile dans tous les decks. Donc, si vous l'ouvrez, vous la jouez. On va faire. N'est-ce pas? Ça prend un peu de support quand même, blanc, là, mais. Oui, non, c'est clair, on s'entend. Mais admettons que j'ouvre mon premier paquet, joue Valorous Stance, moi, ça doit être une oncom, mais c'est une genre de carte qui m'attire vers le blanc tranquillement parce que c'est, ça va être du removal en instant qui coûte 2. Ça doit être conditionnel. Ça reste que c'est quand même. Ça a sa valeur en limité. Là. C'est très rare. Ouais. Donc, on va aller faire un tour du côté des communes. On va commencer avec une carte qui s'appelle Dragon Bell Monk, qui coûte 2 colorless, 1 blanc, donc pour 3, et qui est 2-2. Vigilance. Et Prowess. Donc, quand même, pour une commune, je trouve que ça, on en a quand même pas mal pour notre argent. Honnêtement, c'est vrai que c'est une belle petite carte bien faite. Tu verrais ça dans quel type de deck particulièrement? Est-ce que le fait que ça a Prowess, il faut absolument que ce soit dans un deck plein de spells pour que que ça ait sa valeur? Ou déjà là, une 2-2 vigilance non, pour 3, ça a quand même le sens? Si vous allez jouer en premier, puis que vous jouez Dragon Bell Monk comme votre tour 3, puis que votre adversaire fait Morph, vous pouvez attaquer. Puis là, il ne voudra pas bloquer parce que vous pouvez avoir un sort. Passez le tour, puis là, il ne voudra pas attaquer parce que vous pouvez avoir un sort encore, parce que vous avez Vigilance. Mm-hmm. Donc, le fait qu'il y ait Vigilance ici rend ça vraiment, vraiment bon pour un bon tour 3. Mais évidemment, bon, une 2-2, même si elle pourrait avoir une 2-2 sur le sol, tour 6, 7 ou 8, ça va être déclassé assez rapidement. Mm-hmm. Mais ça va vous permettre de passer quand même pas mal de pensablement de dégâts. Puis au début de la partie, si vous jouez ça sur la curve. Ouais, j'avoue que quand tu as la main de départ, que tu joues ça sur la curve, ça va être une carte qui va faire qui va vous en donner pour votre mana, c'est clair, là, pour les premiers tours. Là. J'avoue que où est-ce qu'elle se situe par rapport au Morph, j'avoue que c'est très, très, très bien pour une petite commune blanche. Là. On s'attendrait à ça peut-être dans une autre couleur, étant donné que le blanc a déjà beaucoup de choses. Là. Ouais, c'est vrai. C'est une carte qui vient bien remplir la curve de blanc. Justement, ce qu'on voit blanc n'est pas dégarni. Hein. Surtout avec des cartes comme Pressure Point, qui sont de très bons cantrips. Pressure Point, ouais. Defiant Strike. Ça vous permet d'activer Prowess, puis de ne pas perdre de cartes. Exact. Pour donc, moi, c'est une très bonne autre commune avec les autres cartes autour qui l'entourent. Oui, donc entre autres, justement, tu parlais de Pressure Point, qui est une carte en instant, un colorless, un blanc, qu'on peut taper une créature et on pige une carte. Donc ça, c'est pour les prowess, c'est parfait. Puis en même temps, on recycle notre carte, donc on ne perd pas davantage de cartes. Donc, on reviendra un peu, là, mais le pendant bleu refocus. Untap une créature plutôt que de taper une créature. Okay. Bien que ça n'enlève pas un bloqueur, ça peut permettre de faire une petite embuscade puis de tuer une créature gratuitement tout en activant Prowess, ce qui est excellent. Ouais. Un autre commune en blanc qui a bien du sens, Sandblast, coûte 2 colorless et 1 blanc en instant et ça fait 5 de dommages à une créature qui attaque ou qui bloque. Donc, si une créature qui est engagée en combat, Sandblast va venir s'en charger. Ben moi, j'apprécie vraiment ça, surtout avec le fait qu'il y ait des 3-1 pour 2, et puis même des 4-1 pour 2 dans le bleu. On y reviendra plus tard, mais mm-hmm. Le fait de pouvoir jouer cette carte-là pendant que tu es en train d'attaquer sur une créature qui bloque, ça rend ça, selon moi, strictement supérieur à Killshot. Oui, excellent. Oui, non, très, très belle carte aussi. Je trouve que c'est ça, c'est que ça nous. C'est presque du removal inconditionnel à la minute que tu es en combat. Donc, c'est sûr que c'est pas aussi efficace que, disons, un Doomblade, mais ça reste que dans le format, ça va être un des très bons removals, à mon avis. Ben, c'est la plus proche comparaison qu'on a avec pour cette carte-là, c'est Killshot. Oui. Puis le fait que Killshot ce soit seulement lorsque tu te fais attaquer rendait ça plus difficile à manœuvrer, tandis que là, Sandblast, s'il décide de ne pas bloquer puis de le prendre en pleine face, ben il ne pourra pas vraiment plus attaquer avec ta créature. Ouais, c'est ça exactement. Donc voilà, très la petite carte. On a ensuite Sandsteep Outcast, 2 colorless, 1 blanc, c'est une 2-1. Et quand elle arrive en jeu, on a le droit de choisir entre deux modes. Oui, ben entre mettre un plus un compteur sur cette créature-là, mm-hmm. qui est dans une couleur, dans le blanc, c'est un un net avantage Ouais. à cause des créatures en classe. Ouais. Même si dans le pré-release, il y aura juste un paquet de Clans of Tarkir. Je crois que c'est deux, je crois que c'est Oui. deux paquets, non? J'ai vérifié, c'est quatre paquets de Fate Reforged, Ouais. Destin Reforged, un paquet de Clans of Tarkir, puis un paquet De clan, ok, de votre ouais. clan. Ok. Qui va avoir des cartes de Clans of Tarkir dedans, mais en général, Ok. il n'y Donc c'est aura pas tant vraiment. de cartes de Clans of Tarkir dans le pré-release, mais en draft, ça va être quand même un gros avantage. Ou on peut mettre une 1-1 flying sur le jeu à place de mettre un plus un plus un compteur. Donc, se retrouver avec une 2-1 et une 1-1. Là, au lieu d'être plus dans Abzan avec des créatures en classe, ben là, ça sert une stratégie plus de Mardu avec des Trumpet Blast. Comment ça s'appelle déjà? Ouais, la carte rouge là. Rush of Battle. Oh. Et ah Donc, oui, Rush of ça Battle. sert, ça va être une commune qui va servir à deux decks. Donc, lorsque vous allez drafter le format, ça va vous laisser quand même ouvert à deux possibilités, là. Puis dans le fond, c'est ça, c'est vraiment pour. Ça peut servir à jouer soit plus vertical, plus horizontal. Donc c'est une carte qui. Très bonne. Ouais, quand Très même bonne. très bonne. Finalement, pour le blanc, on va terminer avec Soul Summons, un colorless, un blanc, c'est une sorcery. Et ça fait tout simplement, on manifeste la carte du dessus de notre library, donc de notre pile de cartes. Écoute, moi, ça, c'est une carte qui m'intrigue beaucoup, j'avouerai, parce que je suis là, bon, ben, c'est. Finalement, c'est un ours, un grizzly bear, dans le fond, une 2-2 pour 2. Donc, j'ai Ah, mais aucun. qui peut être tellement plus que ça si Mais c'est une exact. créature qui se retrouve là? En plus, ça trigger prowess. Donc, c'est intéressant, là, comme je trouve que ça aussi, ça va être très utile dans des decks, notamment dans des decks plus Jeskai, où est-ce qu'on veut aller trouver, on veut tirer profit de prowess. Je pense que Soul Summons va être une carte pas mal utile aussi, là, à une carte commune. Je pense que ça va être une carte qui va être le pain puis le beurre, parce que, tu vois, d'habitude, ça nous coûtait 3 pour jouer une Morph. Oui. Et là, à 2, on joue une Morph qui peut devenir n'importe quelle carte. Donc, ça se peut que ce soit un land, puis bon, ben, c'est un land, mais ça se peut que ce soit une autre très grosse créature. Donc, bien intéressant comme carte. Et comme tu as dit, ça déclenche Prowess, donc c'est à prendre en considération lorsque vous allez choisir vos cartes. Ouais, moi, en un coup d'œil comme ça, je trouve que blanc, c'est une couleur que j'aurais pas peur de jouer à mon pre-release, c'est sûr et certain. Tout à fait. On va passer à bleu maintenant. On va commencer à regarder la carte River Prawler. Donc, Oui, Marang River même. Prawler. Puis la raison pour laquelle je vais commencer avec lui, c'est juste parce que sa face ressemble à The Rock. Très C'est The Rock qui s'est fait peu peinturer de cette carte de Magic. Donc, Marang River Prawler, deux colorless, un bleu, c'est 2-1, donc pour l'instant bas. Mais Marang River Prawler can't block and can't be blocked. Donc, déjà là, on a de l'évasion, fort intéressant. Et you may cast Marang River Prawler, donc à partir du graveyard, tant qu'on contrôle une carte noire ouverte. Donc, on a un cycle ici hein, de cartes qui sont d'une couleur, mais qui nous donnent une habilité spéciale, dépendamment si on joue dans tel ou tel clan. Donc, ça ici, c'est une carte qui est associée à Sultai. ou à Temur, Ou à Temur, effectivement, possiblement. à cause du Mais bleu. bon, un peu moins bon. Mais 2-1 qui va rentrer à chaque tour, peu importe ce qui va se passer, éventuellement, il va falloir qu'il fasse quelque chose pour le tuer. Puis vous allez à ce moment-là juste la rejouer, puis finir là, puis continuer de faire 2 à chaque tour, puis vous allez graisser votre adversaire. Donc si vous jouez ça tour 3, ça va être déplaisant pour eux. Avec possiblement target pour bolster, donc pourrait facilement devenir à 3 de power éventuellement. Il n'y a pas beaucoup de trucs. Il y en a peut-être, mais qui ne vient pas en tête, mais disons qu'il ferait 1 à plusieurs cartes d'un coup. Donc notre 1 de toughness est relativement safe au début du match. En tout cas, de ce que je connais du format, je pense que votre 2-1 pour 3, c'est sûr que ça Voilà, fait. il va y avoir des cartes comme Debilitating Injury, il y a une carte rouge qui fait 2 de dégâts, et puis il n'y a pas tant de choses que ça qui vont gérer cette carte-là. Puis même s'ils utilisent une carte pour la gérer au début de la partie, elle va finir par revenir puis faire son 2 à chaque tour. Oui, exactement. C'est vraiment ce bout-là de la carte qui va la rendre vraiment, vraiment comme fatigante, là. C'est comme tu la gères une fois, puis là, tu sais, c'est que tu te demandes, bon, mais je passe-tu une carte pour gérer une carte qui peut revenir? Puis non, tu sais, la réponse est non d'habitude, mais là, à un moment donné, c'est qu'il faut que tu fasses quelque chose. Donc, ça va être bien intéressant de voir où est-ce que. D'après moi, ça va être une des cartes qui va vraiment rendre bleu une couleur attirante. Donc, je pense que si j'ouvre cette carte-là, je vais la prendre en considération, c'est clair. Mais ça bloque pas, donc il Ouais. faut prendre ça en considération, puis avoir des plays, des jeux, En des cartes plus conséquence. tempo qui vont vous permettre de vous Donner du temps. assurer que ouais, de vous assurer de pouvoir gagner sans avoir à bloquer. Absolument. Mais sinon, c'est ça. D'habitude, bleu a des cartes qui sont faites un peu pour ça. On va voir si cette série-là nous donne encore nos bons vieux murs ou quoi que ce soit, mais d'habitude, bleu est capable d'assurer ses arrières, soit en retournant les cartes dans les mains ou en ayant justement des defenders où il y a moyen de donner du temps, je pense, dans le bleu. C'est un peu ça. L'identité de bleu, c'est d'avoir du tempo et je pense que cette série-là fait pas dans le fond, c'est pas différent que les autres séries d'avant. Donc, si on passait à Frostwalker, une carte qui coûte un colorless, un bleu, qui est drôle de Power et Toughness pour du bleu, 4-1. 4-1 pour 2, d'accord. Et quand Frostwalker becomes target of spell or ability, sacrifice it. Donc, parle-nous de cette carte-là. Comment tu penses que ça va se positionner dans le bleu, dans la couleur bleue? C'est un fantasme Albert sur les stéroïdes, là. Définitivement. Ouais. À 4-1, à peu près n'importe quoi qui l'aurait targeté, il l'aurait tué de toute façon. Un des désavantages, c'est que vous ne pourrez pas jouer des choses comme Roar of Challenge ou Feat of Resistance dessus, ou des auras si vous avez vraiment goût de jouer des auras, là. Mais faites pas ça. Mettez pas ça sur Frostwalker. Non. Par contre, il n'y a pas de désavantage avec Bolster, puisque Bolster, c'est choisir une créature qui a le moins de toughness. Ça ne target pas. Donc, Frostwalker va pouvoir recevoir ses counters puis Ouais. entrer du dégât. Puis à la limite, Puis, c'est ça va. 4-1 pour 2, il faut que votre adversaire ait quelque chose à jouer. C'est ça. Tour 2, si vous jouez ça tour 2 sur le play, il faut que votre adversaire ait quelque chose pour bloquer, sinon ça risque de dégénérer assez vite. Mais c'est ça. Fait que moi, dans le fond, je pense que le pire scénario pour cette carte-là, peut-être pas le pire, mais tu sais, le scénario le plus souvent qui va arriver, c'est que vous allez échanger pour soi un manifeste ou un morph. Puis à la limite, pour deux, je trouve que ça fait le travail. Tu sais, faut pas. Moi, je pense que si ta carte te donne l'opportunité d'aller échanger pour une autre carte de l'autre, elle t'a coûté deux, puis que tu échanges pour quelque chose qui vaut deux ou trois, la carte, elle a fait son boulot. Puis si tu es capable d'aller chercher un 4 aussi en plus, ou d'aller faire un trigger de Ferocious, vu que sa carte de power, ben tant mieux, tu sais. Je Oui, pense que ça tout à va être fait. ça. Puis celle-là a l'avantage qu'il n'y a pas beaucoup de créatures qui sont capables de targeter gratuitement. Puis de le détruire gratuitement, il faudrait vraiment qu'il utilise un sort pour pouvoir le gérer. Tout à fait. Donc, je pense que c'est une belle petite carte assez bien positionnée aussi. Prochaine carte, Cloud Form, un colorless, deux bleus. Donc, c'est puisqu'on est un set multicouleur, deux bleus, c'est moins bon, je trouve, que deux couleurs, mais c'est plus difficile à faire rentrer dans un deck. Mais on va voir si au pre-release, en tout cas, on fera un topo à la fin peut-être. Est-ce que ça va être autant orienté vers trois couleurs que Cons of Tarkir? On verra. Mais j'ai l'impression que peut-être un peu moins. Donc, Cloudform, un colorless, trois bleus. Et quand Cloudform entre en Deux jeu. bleus, un colorless, deux Ah, deux bleus. bleus, pardon. Quand elle entre en jeu, ça devient un aura qui enchante une créature. Et donc, on manifeste le top 2. Et la créature a flying et Hexproof. Donc, c'est l'équivalent de Lightform, mais Cloudform. Donc, on a également ici une série. Ouais, ben, je pense pas qu'il y en a dans toutes les couleurs. OK. À ma connaissance, il y en a dans le blanc, bleu et rouge. OK, fait qu'ils sont dit noir et vert là. Vous allez être On vous laisse de côté pour les formes. Mais c'est intéressant comme série, moi j'aille pas ça parce que ça donne vraiment un petit côté gamble, un peu comme on pourrait dire. Là. Donc, puis c'est quand même intéressant. Flying X-Proof, si tu avais le choix entre Flying X-Proof et Flying Lifelink, lequel des deux tu préfères? Moi, j'ai une petite préférence pour X-Proof, OK. pour être honnête, mais c'est pas mal. Ça dépend de ce qui est manifesté. Si c'est une grosse créature qui est manifestée. Ben, en fait, ouais, c'est difficile. Mais je dirais, si c'est une grosse créature qui est manifestée, je préférerais avoir Lifelink parce que la plupart des removals attaquent le toughness. Donc, si y a un gros toughness, le fait d'avoir lifelink peut être meilleur, un petit peu meilleur que Hexproof, à mon avis. Mais si c'est une créature qui n'a pas beaucoup de toughness, mais qui a beaucoup de power, ben dans ce cas-là, ben je vais préférer avoir Hexproof que lifelink. Ouais. Puis là, c'est ça qui c'est toi, là, la créature, elle le manifeste dans l'environnement de Cons of Tarkir. On le savait comment ça fonctionnait. On savait que deux morphs fallait échanger s'il y avait moins de 5 de mana, à moins que l'autre dépense une carte. Mais là, ici, manifeste, ça va être beaucoup plus complexe, là. Ça peut Mais être vraiment. il pourrait avoir une 4-1 pour 2 en dessous de ça. Il C'est pourrait ça, avoir exactement. une 2-2 pour. Il pourrait avoir un Master of Pearls pour 2 qui tournerait pour 2. Oui, Ça c'est ça. Donc, ça risque d'être. On risque d'avoir des belles surprises avec Manifest. On continue dans les zones communes. Bon, là, il y a le dragon bleu. Je pense qu'on ne parlera pas de tous les dragons. En général, sont playable. Donc, vous pouvez les jouer dans votre pile. Et bon, les habilités qu'ils ont en plus d'être des 4-4 flying pour 6, ça risque de juste être un plus. Donc, on va passer outre le dragon bleu. Mais on va parler par contre de Mistfire Adept qui coûte 3 colorless, un bleu, qui est 3-3 prowess. Déjà là, moi, en tout cas, je suis vendu. Et quand on caste un non-creature spell, donc une carte qui n'est pas un spell, une créature qu'on a devient flying. Donc, target creature, ça peut même être lui-même si c'est la seule carte. Donc, quand même, on a pour 4 de mana, 3-3 prowess qui peut donner flying à gauche et à droite. C'est clair que c'est une bonne carte. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, mais le fait que ça puisse donner flying à ou l'Oxodon ou à d'autres créatures qui ont Ouais. vraiment beaucoup de power, ça peut peut-être même justifier de jouer des cartes qui ont beaucoup de power comme Canyon Lurker, par exemple. Parce que le fait de pouvoir leur donner de l'évasion les rend un petit peu meilleurs. Je vous dis pas de jouer ces cartes-là, je pense qu'en général, vous voulez éviter ça, mais si vous avez un Mistfire Adept dans votre deck, ben ça les rend meilleurs, puis sachez ça. Des fois, il faut se rendre compte un peu comment on construit notre deck, puis voir si on a un plan. Puis ça peut permettre de rendre des cartes qui ont beaucoup de power meilleures. Ouais, puis dans le fond, c'est ça. C'est pas parce qu'il y a un dessin de Jeskai sur la carte qu'elle va pas dans d'autres decks. Puis comme tu disais, je trouve que dans Temur, ça risque Dans d'être une carte Temur, c'est pareille. vraiment. Je pense que c'est une bonne carte pour Temur, oui. Ouais. Donc, Mistfire Adept, on retient ça. On va aller. C'est une carte qui est bonne avec beaucoup de power. Je crois que c'est plus vous avez de power, meilleur va être cette carte-là. Voilà, c'est dit. Alright. On va aller faire un tour du côté d'une autre uncommon. Une carte qui coûte 5 quand même, donc on a déjà dit qu'on ne voulait pas en avoir trop dans notre deck, mais là, elle a Delve. Donc c'est Rite of Undoing, coûte 4 colorless, un bleu, avec Delve, donc a le potentiel de coûter seulement un bleu. Et c'est Retourne target non-land permanent you control and target non-land permanent you don't control to their owner's hand. Donc on retourne un permanent. C'est Peel from Reality, Et mais qui voilà. coûte Delve. 5 et Delve. Ouais, donc Qui peut coûter 1, mais qui va coûter généralement probablement 3 ou 4. Là. on retourne un permanent de l'autre dans sa main, un permanent qu'on contrôle dans notre main, et on essaie évidemment de se ramener quelque chose qui a peut-être de la valeur, comme on disait tantôt. Oui, ben là, Pourquoi pas faut un faire de la manifeste? valeur. Ramener un Cloud Form avec ça, puis. Ouais. Avoir la créature que manifeste reste sur la table, puis rejouer son Cloud Form pour avoir une autre créature. Ou avec la carte rouge Humble Defector. Par Puis j'ai exemple. deux. Humble Defector, c'est un rouge, un colorless. Tu tapes, tu piges deux cartes. Ouais. Puis à la suite de ça, Target Opponent va gagner le contrôle de Humble Defector. Mais pendant que l'habilité est sur le stack, ben, vous pouvez caster Right of Undoing, envoyer une de ces créatures dans ses mains, renvoyer Humble Defector dans vos mains, puis là, ben, il ne gagnera pas le contrôle d'Humble Defector, vous pouvez juste deux cartes ensuite. Bon, belle petite interaction, j'ai belle pas ça. Petite interaction. Ensuite de ça, vous recastez votre Humble Defector, puis vous recommencez avec du profit. C'est du bon profit. Oui. Prochaine carte commune qui a attiré notre attention, on a Lotus Path Djinn, 3 colorless, un bleu pour une 3-3 flying. 2-3. Ah, 2-3 flying, ça, ouais, ouais, ça serait un peu trop. 2-3 3-3 flying prowess. Mais prowess, donc le potentiel d'avoir 3 d'attaque. Ouais, une commune qui va faire toutes mes decks bleus, c'est certain. Ben, les gens jouaient la 2-1 flying prowess pour 3. Ouais. Je crois que l'extra de mana vaut tout à fait le 2 toughness de plus. Absolument. Ça rend ça vraiment meilleur. Donc, on en a parlé déjà tantôt aussi. La prochaine carte, c'est une carte qui fait écho à une carte blanche qui était Pressure Point. C'est, on a Refocus qui coûte un colorless, un bleu. C'est un instant. Puis c'est on untap target creature et on pige une carte. Donc, toutes les cartes qui se recyclent et qui ne coûtent pas trop cher, moi, c'est clair, ça attire mon attention. Puis ben, ça peut faire un bon travail pour trigger si prowess. Si vous jouez Jeskai pour activer Prowess, c'est vraiment une carte de très grande qualité. Ça vous permet d'attaquer avec vos créatures qui ont de l'évasion et qui ont Prowess comme la dernière carte qu'on vient de parler, la 2-3. Mm-hmm. Et de la garder sans trop se soucier, lui donner vigilance à la dernière seconde en surprise. Ouais. Puis aussi, avec Humble Defector, ça vous permet de piger 4 cartes. De donner la créature. Donc, vous mettez le trigger sur le stack, refocus, l'untapez, vous pigez une carte pour refocus, vous le retapez, pigez deux autres cartes, puis là, vous vous retrouvez à piger quatre cartes pour le Humble Defector, vous le donnez à votre adversaire, puis vous dites, ben, tu peux en piger deux si tu veux. C'est ça, mais je vais le ravoir. Si vous êtes capable de la tuer avant qu'il puisse piger deux cartes, ben là, la partie est finie. Là. Ouais, excellent, ça, j'aime ça. Excellent. On va continuer avec une carte qui a piqué ta curiosité. Moi, c'est Right into Beings. En fait, tu as 2 colorless, un bleu, une sorcery. Et on regarde le top 2 de notre library. On en manifeste une et on met l'autre en dessous de notre library. Donc, toi, tu penses que c'est une carte qui vaut la peine d'être jouée? Ben là, soudainement, là, d'avoir un certain contrôle sur la carte qui est manifestée puis de savoir qu'est-ce qui va se passer. Ouais, là, ça commence à être vraiment intéressant. Ouais, ok. Parce que là, vous pouvez choisir en fonction des cartes que vous avez dans vos mains, si vous avez besoin d'un instant, si vous voulez piger une carte avec Jeskai Barricade ou un Right of Undoing, par exemple, si vous avez besoin de l'instant qui est en dessous, par exemple, si vous mettez un Icy Blast en dessous, ouais. Là, vous allez le savoir. Vous allez pouvoir mieux préparer aussi. S'il y a une créature puis il y a une land, là, vous allez pouvoir choisir la créature sans problème. Ça donne un certain contrôle, puis ça rend ça vraiment bon ouais. Pour 3 mana. Pour le coup d'une morph, ouais, vous regardez dans votre deck, donc ça rend ça vraiment, vraiment bon à moi. Puis, comme Soul Summons, ça trigger Prowess. Donc, c'est une morph qui trigger Prowess, qui est de la carte sélection. Ça commence à faire beaucoup de choses. C'est vrai. C'est vrai. Il y a une dernière carte dont on voulait parler, c'est Whisk Away, qui est 2 colorless, un bleu, qui est un instant, et qui c'est, on retourne un peu comme un des modes d'Azure Storm, donc on retourne une créature qui attaque ou qui bloque sur le dessus de la library de son propriétaire. Donc c'est un effet qui est de toujours à Magic, ça a toujours été bon, c'est une forme de removal. C'est l'autre repige cette carte-là, mais en même temps, la carte n'est plus là. Il faut qu'elle retourne dans ses mains, il faut qu'elle la recasse. Donc, c'est une carte qui est très efficace quand même. Ouais, surtout sur dans des situations où est-ce que l'autre va démorpher une créature, puis vous allez caster ça, là, ça va... Ouais. Boom! Ouais, absolument. C'est le potentiel de blowout assez ouais. C'est une bonne carte. Mais en même temps... c'est pas un removal pour toujours, donc des situations de top deck où plus personne n'a de créature, puis que vous avez ça dans vos mains, puis que lui est peut-être une créature, ça vous sortira pas nécessairement de cette situation-là, mais dans des situations où vous êtes en avance sur le board, un temps soit peu, ça va vous donner le double de cette avance-là, puis vous allez probablement gagner cette partie-là grâce à cette carte-là. Donc, ça fait un peu le tour de bleu. Il y a d'autres cartes intéressantes quand même. Je pense, mettons, à Reality Shift, qui est une forme de removal, où il y a plein de cartes quand même qui sont quand même intéressantes. Mais je pense que ça fait le tour des cartes qui pourraient former là, le cœur de certains decks bleus. Encore une couleur que je trouve qui est bien faite. Je pense qu'il y a des belles synergies avec plusieurs clans. Donc, c'est pas une couleur, c'est une couleur que j'aimerais peut-être bien jouer aussi. Mais on s'entend, les monks sont pas mal intenses. Ouais, c'est beau, c'est des belles cartes. Des belles, très belles cartes. Ouais. Très beau design. On va continuer avec noir. Peut-être avant de passer à noir, Renaud, juste une petite chose. Comme au pre-release, justement, les gens ne connaissent pas souvent beaucoup les cartes. C'est toujours le fun, si vous écoutez l'épisode, d'être averti d'un potentiel de justement de blowout. Donc, j'aime ça que les gens qui écoutent l'épisode pourraient avoir le petit en anglais, on dit edge là, sur le fait que. Une carte à connaître, sinon on meurt. Il y en avait une dans le blanc, donc la carte qui coûtait 6. Dans le bleu, il y a peut-être moins ça, l'effet blowout là, qu'il y avait dans blanc. Hein. Je pense qu'il n'y a pas vraiment rien là, qui nécessite qu'on joue autour absolument. Refocus, là, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Okay. Je crois que refocus, c'est pas mal la carte qu'il faut prêter attention dans le bleu. Parfait. Donc, on continue avec noir. Évidemment, comme on disait, on ne va pas passer à travers les rares et les mythiques parce que si vous les ouvrez, il y a des bonnes chances qu'elles soient très efficaces. Ça peut être brutal, oui. Ça peut être brutal. Brutal Horde Chief en est un très bon exemple. Donc, on va y aller directement avec les copies. Si vous ouvrez une rare noire ou une mythique, là, ben vous asseyez avec votre fouette à côté de votre bol de fruits puis vous plaisez. <là. rire> All right. Donc, on va commencer ça, Renaud, avec une carte assez simple. Le Battle Brawler coûte un colorless et un bleu, 2-2, donc 2 pour 2, un bon vieux ours. Mais tant qu'on contrôle un permanent rouge ou blanc, Battle Brawler a plus 1, plus 0, très bien, et First Strike. Donc là, ça devient intéressant. On a une 3-2 First Strike pour 2 potentiellement. C'est sûr que peut-être que quand on la joue tour 2, ça ne sera pas peut-être le cas, mais tour 3, si on peut mettre un permanent rouge ou blanc, on est en business, là. Oui, ben toutes les créatures de ce cycle-là sont pas mal bonnes. Là. Ouais. Mais je pense que celle-là, c'est la meilleure des trois pour la raison que du fait que c'est un guerrier, c'est un warrior aussi, pour toutes les autres choses qui prennent en considération les warriors. Ouais. Puis le premier touché, comme à moins qu'il y ait un Abzan Sky Captain sur le jeu du côté de votre adversaire, là. First Strike, c'est en général vraiment une très bonne habilité, puis il n'y a pas tant de cartes que ça qui ont First Strike dans le format. Ouais. C'est une habilité vraiment forte devant les Morphs. Ça rend le 2 de toughness un petit peu plus acceptable. Puis, c'est ça, c'est agressif. C'est tout ce que vous voulez faire avec votre deck mardu, je crois. Puis, vraiment une très bonne carte pour un deck agressif. Excellent. Prochaine carte, Orc Sure Shot. 3 colorless, 1 noir. C'est un Orc Archer. J'aime le type de créature. Très, très, très cool. C'est une 4-2. Et quand il y a une autre créature qui entre en jeu sous notre contrôle, il y a une créature de l'adversaire qui a -1/-1. Oh, quand même. C'est quand même très bien. Là, si on pense à notre 4-1 bleu, par exemple, elle va d'y passer. Là. Ouais, ça Roman commence à se fâcher. Ouais. c'est orc de Saruman. Ouais, mais il ressemble pas mal à ça. Donc ouais, belle petite carte. Pas de problème avec cette carte-là. À part le fait que ça. Pas grand chose à dire sur cette carte-là, autre que pour les brigades. Ah oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Ça peut rendre les combats intéressants. Si vous avez un ponyback brigade, ben là, ça peut vraiment être difficile pour votre adversaire de bloquer. Mais par contre, sinon, il y a Ordering Outburst qui peut être bon avec ça aussi. Oui. Oui, tout à fait. Mais en général, sinon, ben, vous allez avoir une activation dans le tour. Puis il faut que vous jouiez votre créature avant le combat pour pouvoir avoir votre activation. Si vous ne voulez pas perdre votre créature, mettons, là, puis juste là. Puis si vous jouez votre créature après, ben, faut que vous assumiez que votre adversaire bloque exactement comme vous voulez qu'il bloque. Puis le fait que cette créature-là soit en jeu, ben, il va le voir venir quand même un peu plus facilement, là. Moi, c'est clair. Mais bon, ça reste une très bonne carte. Ouais. On continue avec le dragon noir. On va en parler parce que, comme les autres, il est 4-4 flying pour 6. Mais lui, il est écrit dessus: Destroy Target Creature qui a un mana cost de 3 ou moins. Donc, essentiellement, c'est n'importe quel morph ou manifeste va lui passer, là, entre autres. Tout à fait, le fait que ça permette de gérer des morphs ou des manifestes, ça rend cette carte-là pratiquement un 2 pour 1. Puis le fait que ce soit Yume, même s'il n'y a plus de carte du côté de votre adversaire, ben, vous retrouverez pas à perdre une de vos créatures Ouais. comme ça pouvait être possible il y a quelques années à Magic. Ouais, en effet. Là, si je me trompe pas, on va déjà passer aux communes, ce qui me fait dire que les zones communes noires, c'est un peu plus mince que les couleurs qu'on a vues précédemment. Ouais, ben, il y a plusieurs, tu sais, comme Merciless Executioner ou Karciag Priest, là, qui sont des cartes qui demandent quand même vraiment beaucoup d'installation là, pour qu'elles soient bonnes. Puis ça implique une des communes, justement, qui est là, puis qui est Sultai Emissary. Je sais pas si on peut en parler tout de suite, là. Ouais, allons-y. Sultai Emissary va bien avec les deux zones communes que je viens de dire, parce que quand c'est un 1 pour un colorless, un noir. Quand elle meurt, vous manifestez Ça, j'avais pas ça. dessus de votre librairie. Ouais, c'est bien Donc ça. c'est bon, c'est excellent avec Merciless Executioner. Puis c'est vraiment bon aussi avec Karciag High Priest. Mais si vous n'avez pas des cartes comme Sultai Emissary, puis il n'y en a pas beaucoup, j'en ai pas vraiment vu d'autres, ou des tokens. Si vous n'avez pas ça, ben, ces deux zones communes-là deviennent vraiment moins bonnes, soudainement. Puis là, ben, vous pouvez vous retrouver avec ces zones communes-là, mais pas les communes pour les supporter. Puis là, ben, vous venez de perdre des cartes dans votre pool. Merciless Executioner peut quand même être raisonnable. Puis juste faire un pour un avec la moins bonne de ces créatures. Tour 3, ça peut être une morph. Puis, tour 4, ben, ça peut être des fois ouais, quelque chose de raisonnable, mais plus ça va être tard dans la partie, plus il y a de chances que ce soit vraiment la pire des créatures que sur Ouais, c'est le ça. C'est board, clair que. que vous jouez, que ça rend ça un petit peu moins bon. Ça, si on dira le meilleur des scénarios, c'est tour 2 Sultai Emissary. L'autre, c'est son tour 3, il joue Une un morph. Morph. Là, mon tour 3, joue Merciless Executioner. Je sacrifie mon Sultai Emissary. Lui, il sacrifie son Morph. Moi, je manifeste. C'est sûr que là, c'est un Ouais, peu le. là, ça C'est revient. Noël, tu sais, c'est sûr, c'est Ouais. Noël. Mais ça va Mais arriver une fois de temps en temps, tu sais, mais. Ouais. Pas souvent. non, ça n'arrivera pas souvent. Ok, on passe à la prochaine commune que moi j'aime bien, c'est Hooded Assassin, qui est deux colorless, un noir, qui est une 1-2, donc pour l'instant pas écœurant, mais quand elle arrive en jeu, on choisit un de deux modes, soit de mettre un plus un counter sur la créature, donc elle devient une 2-3 pour 3, ça devient plus raisonnable, ou Destroy Target Creature that was dealt damage this turn, donc une créature qui aurait eu du dommage pendant le tour serait détruite, donc. Par exemple, on la joue évidemment toujours dans la deuxième main phase après l'attaque phase, évidemment. Mais je trouve que c'est une créature qui nous donne de la flexibilité et qui peut être bonne en début, en milieu, puis en fin de match. Moi, c'est ça que j'aime de cette créature-là. Si tu n'as rien d'autre à faire que tu es en début de ta curve, puis tu te dis, bon, ben voilà, c'est ça que je joue une 2-3, puis je vais pouvoir bloquer des morphs ou des manifestes pour 3, puis c'est ça que mon jeu, ben c'est ça. Ou si tu l'attrapes un peu plus tard dans le match, puis que tu veux décider de détruire une créature. Tu peux le faire. Donc, je trouve qu'elle donne quand même une belle polyvalence. Surtout dans un monde de 0,5, puis de 2,5, puis de 2,8 même, d'attaquer avec un Salt Road Patrol dans un autre Salt Road Patrol ou des choses comme ça, avant, c'était pas vraiment Ouais, possible, c'est vrai avec les mais Atlas. cette carte-là permet de faire des attaques dans des créatures qui ont beaucoup de toughness, avec des créatures qui ont beaucoup de toughness aussi de votre côté, puis dès qu'il y a un dommage qui est dessus, ben là, vous l'assassinez ensuite. Puis comme tu as dit, ben j'ai déjà joué Mardu Archive pour 3, juste pour Ouais. activer Raid le tour d'après, puis 2-3 pour 3, dans le format, c'est raisonnable, ça bloque Morphs, Taux 3. Puis aussi, ça attaque dans les Morphs, Taux 3, pour Raid. C'est vraiment raisonnable. Puis la deuxième habilité, là, ça donne vraiment beaucoup de polyvalence. C'est pas aussi bon, je crois, que Sunstep, Ouais, Sunstep. la blanche. Ouais, Sunstep Outcast. Mais c'est une des meilleures des créatures avec un choix. On va continuer avec Ancestral Vengeance qui coûte 2 noirs. C'est un enchantement qui donne à une créature moyen. Donc, on va enchanter ça souvent sur des créatures de notre adversaire, idéalement pour la tuer, sinon pour permettre des attaques et des blocs favorables de notre côté. Mais aussi, ça a l'avantage de mettre un plus un counter sur une de nos créatures. Donc, toi, tu voulais parler de cette carte-là. Moi, je t'avoue que je ne suis pas un grand fan, mais c'est quoi, c'est le moyen qui te, qui toi, t'attire vers cette carte-là? Moi, je trouve que pour 2 noirs, moyen, humain. Puis le plus un counter, c'est vrai qu'il peut être utile, mais je suis pas le genre de carte qui me fait triper, honnêtement. Bon, c'est pas le fait qu'elle coûte 2 noirs, ça rend ça un petit peu plus difficile à jouer. Mais comme on l'a vu avec Outlast, le plus un counter, probablement qu'en draft, ça va être une carte un petit peu meilleure qu'en sealed. Ouais, moi aussi, je pense. Mais il y a quand même beaucoup de X1 dans ce format-là, dans Fate Reforge, ce qui rend le moyen quand même raisonnable. Puis le plus un counter peut vraiment être intéressant si vous avez des créatures Outlast. Ouais, dans Abzan, c'est vrai. Par contre, là, ben, comme tu as dit, c'est pas fou, mais je pense pas que c'est une carte à discréditer. Parce qu'il y a des cartes comme Dark Deal là, que je jouerai jamais. Ouais. Mais Ancestral Vengeance, je me pose la question sérieusement si je peux jouer cette carte-là parce que c'est intéressant. Ok, excellent. Donc on continue avec une carte qui, elle, moi je trouve que c'est un peu plus évident qu'on veut la jouer, c'est Reach of Shadows. Donc ça coûte 4 colorless, 1 noir en instant, et c'est Destroy Target Creature, that's one or more colors. Donc essentiellement c'est Destroy Target Creature à part les artefacts. Dans le fond, du removal qui est pas conditionnel en instant, ça va pas mal toujours être jouable en limité, là, à part si c'est un prix de fou, mais à 5, c'est correct, là. Ben, j'ai joué Throttle dans Cans of Tarkir, puis j'étais pas gêné de jouer le premier, puis même le deuxième Throttle, des fois le troisième, pas mal de trop parce que ça commence à coûter cher. Ouais. Mais le fait que ce soit inconditionnel, là, ça rend ça vraiment meilleur que Throttle. Puis, dans ces circonstances-là, c'est un des meilleurs removals du set. Excellent. Finalement, pour le noir, on va terminer avec une carte dont tu voulais parler, c'est Douse in Gloom. Coûte 2 colorless, 1 noir en instant, et ça fait 2 de dommages à une créature, et tu gagnes 2 de vie. Donc essentiellement, c'est une carte qui, dans les premiers tours, ou n'importe quand qui l'autre un morph, va faire le travail, là. Oui, tout à fait. Puis contrairement à Debilitating Injury, si vous êtes sur le play, puis que vous jouez, vous avez pas, ben, vous laissez 3 mana à votre tour 3, l'autre joueur morph, avec Debilitating Injury, vous deviez untaper, jouer 2 de mana, puis prendre votre tour 4 là, pour gérer la morph. Là. Tandis que là, ben, vous faites juste Dawn and Gloom à la fin du tour, untaper, vous jouez votre 4 drop, puis là, ben, vous êtes vraiment en avance. Là, le fait que ce soit un instant, ça rend la chose vraiment meilleure. Ouais, clairement. Ouais, c'est bien. Ça, je pense que ça, c'est clairement une carte qui va avoir son utilité dans le pre-release. Ça fait le tour pour noir. Couleur qui, des trois qu'on a vu jusqu'à maintenant, peut-être celle qui m'impressionne le moins. Je trouve qu'il n'y a pas de profondeur beaucoup dans les zones communes. Il y a clairement des cartes qui sont utiles, qui vont faire des belles apparitions, mais pour l'instant... Mais tu sais, il y a des cartes complètement absurdes, là. Puis ouais, c'est ça. Je comprends pas. Le Grave Digger qui coûte 9, 8 colorless, un noir, là, on va en parler rapidement, avec Dell. Et puis, c'est un Grave Digger, donc vous ramenez une créature de votre graveyard dans vos mains, s'il en reste après que vous l'ayez casté, là. Ouais, c'est ça. Parce que ça coûte 9. Ouais, exactement. Ça peut être une 3-6, là, mais... Ouais, c'est ça. Mettons qu'elle coûte 1, là, t'as 3-6, puis que tu fais un Grave Digger, que ça, c'est le meilleur des mondes, tu vas l'aimer, mais j'avoue que... Ben, écoutez, là, Shambling Attendant, c'était une 3-5 Death Touch pour 8. Ouais. Puis, je pense que c'est encore une carte qui est meilleure, puis c'est une commune. Ouais. Je suis pas vraiment impressionné par le reste des cartes. Ouais. Donc, on va aller faire un petit tour du côté de rouge dans ce cas-là. Les rares et mythiques, même discours que tantôt, je pense que même que les rares rouges sont quand même pas trop mal. La mythique Shaman of the Great Hunt, pas trop mal non plus. Donc, on va aller plutôt du côté des communes et uncommunes. On va parler d'une carte qui est un Removal Pyrotechnics 4 Colorless, un rouge, Sorcery. Mais ça fait 4 de dommages divisé comme on veut dans les créatures et ou les joueurs. Ouais, quand même, ça c'est l'effet est très très puissant. Oui, ben ça remplace Arc Lightning qui était dans Guns of Tarkir. Donc en draft, ben au lieu d'avoir trois possibilités, trois packs pour avoir un Arc Lightning, ben là vous allez avoir un pack parce que vous allez avoir Pyrotechnics. Puis deux packs avec Arc Lightning. Le fait de pouvoir faire 4 de dégâts rend ça vraiment intéressant. Puis là, surtout lorsque vous attaquez puis qu'il y a du toughness qui reste sur des créatures, là, ça peut vraiment rendre la situation difficile pour vos adversaires. 5 mana, c'est quand même relativement beaucoup, puis c'est pas ça qui va vous permettre de stabiliser au début de la partie. Puis des fois, votre adversaire va avoir, contrairement à Arc Lightning, vous pouvez détruire des morphs. Là, votre adversaire va probablement avoir eu l'occasion de déflipper sa morph. Donc, c'est peut-être pas. Il y a vraiment un désavantage à ce que ça coûte 5, mais ça demeure une très bonne carte. Ouais, c'est clair, là. Le fait de pouvoir diviser, là, c'est clair, ça donne un vrai potentiel de 2 pour 1, là. Si on compare avec une carte comme Dragon, Breath of Dragon, Bath in Dragonfire, qui coûte 3 puis qui fait 4 à une créature, ben y a pas mal moins de polyvalence à une carte Ah comme celle-là. ouais. Non, non. Pyrotechnique reste meilleur que cette carte-là, à mon avis. Il y a une carte dont on ne voulait pas parler, mais je vais mentionner son nom, c'est le Hungering Yeti. C'est juste que c'est la même de la série. Donc, elle coûte 4 colorless, un rouge et 4-4. Et c'est celle de la série là, que si on a un permanent d'une autre couleur, donc elle, c'est si on a un permanent vert ou bleu, elle a flash. C'est clairement la moins intéressante à date, là. Je veux dire. Ben, le fait qu'elle coûte 5, c'est quand même un petit peu cher, Ouais. mais c'est un mini surac, et puis ça peut prendre des gens par surprise, surtout si vous jouez vert-rouge. Les gens ne s'attendront pas à ce que vous jouiez quelque chose en instant là, de votre main, nécessairement, à moins qu'elle ait écouté notre émission. Ouais. Yep. Ça demeure une carte correcte, mais c'est pas fou comme Battle Brawler ou Maragne River Brawler, à mon avis. Oh, ouais. Claire. OK, C'est donc on va. probablement meilleur que Wandering Champion. C'est un petit peu plus solide, Ouais. puis ça permet de faire une embuscade. Puis ça a toujours été correct. Puis une fois que c'est sur le battlefield, une fois que c'est en jeu, c'est clair que une 4-4, ça va toujours faire un bon travail, là. Une 4-4, c'est correct. Ouais. Une 4-4 pour 5, c'est pas nécessairement ce que vous voulez faire dans ce format-là. Mais le fait de pouvoir le jouer en instant, Ça peut avoir son avantage. ça peut avoir son avantage si vous laissez du mana pour démorpher, par exemple, puis que votre adversaire décide de ne pas attaquer parce que vous pouvez démorpher, puis que là, à la fin du tour, vous jouez ça, ben, ça vous permet de faire quelque chose avec votre mana. Mais si vous n'êtes pas capable de le jouer à peu près 90% du temps en instant, lorsque vous construisez votre deck, probablement que ça ne vaut pas la peine de jouer cette carte-là. Comme par exemple dans un deck Mardu, ben vous ne voulez pas jouer ça. Ben, mais vous avez vraiment besoin. Puis là, vous êtes probablement dans le trou quand même, là. Mais c'est ça. Si vous avez la possibilité de le jouer en instant, ça va être une bonne carte. Si vous ne pouvez pas le jouer en instant, c'est pas une carte que vous voulez, je crois. Alright. La prochaine carte, tu en as déjà parlé un peu, c'est Humble Defector. Donc, un colorless, un rouge, 2-1. Et elle a l'habilité qu'on peut la taper pour piger 2 cartes. Ce qui est malade, c'est sûr qu'il va y avoir un désavantage. Si on l'active. faux. En fait, target opponent. Dit de même. Attends un peu, je vais la lire dans l'ordre. Wizards ont une bonne idée de l'écrire dans bon ordre. Donc, on la tape, on pige deux cartes. Et notre opponent va gagner contrôle de Humble Defector. Et on peut seulement activer ça pendant que c'est notre tour. Oui. Donc, voilà. Voilà la carte. C'est quand même, moi, j'aime l'effet. Puis j'ai deux cartes pour taper une créature, c'est sûr qu'il va y avoir moyen d'abuser de ça, c'est certain. Ben, il y a Rite of Undoing, Refocus qui vous permet de taper. Puis j'ai plusieurs fois dans... avant de la donner. Rite of Undoing, la ramener dans votre main. Collateral, Damage qui vous permet de la sacrifier avant que votre adversaire le reçoive. Ça commence à faire plusieurs affaires. Il y a aussi. Là, si vous avez la chance d'avoir Yasova Dragon Claw, vous pouvez activer, la donner, payer 3, aller au combat, payer 3, la prendre, puis j'ai 2 cartes. Ouais. J'ai 4 cartes dans le tour. C'est Noël! C'est Noël en midi. Là. Mais bon, il y a plusieurs choses à faire avec cette carte-là qui fait en sorte que ça a du potentiel. Puis même si vous êtes dans une situation où est-ce que vous ne pouvez pas en abuser, 2-1 pour 2, ça demeure correct pour rouge. Mardu par exemple, ça peut être très raisonnable. Ouais. Puis en fin de partie, c'est parfait. Vous avez l'avantage de piger en premier. C'est pas nécessairement excellent de donner deux cartes à votre adversaire, mais le fait de pouvoir piger en premier, ça va juste accélérer la partie en fait. Ouais, ça peut faire gagner en là ça se peut qu'au début de ton tour tu l'actives, tu piges les deux cartes, ça se peut que tu gagnes, tu sais, que t'aies la carte. C'est ça, si vous avez des créatures avec si en fin de partie là il y a plus vraiment de créatures sur le board, puis que là, vous avez ça, puis des créatures dash, par exemple, ou des créatures avec haste, ou même des sorts qui font du dommage en instant, qui vous permettent de gagner la partie avec votre reach, ça peut être bon d'activer cette carte-là, même si votre adversaire va avoir des activations. Ouais, donc... C'est une carte intéressante qui, je pense, va justement servir un certain type de joueur qui aime ça aller un peu plus profond dans un format puis trouver des interactions. On va passer à Rage Form, qui est donc la forme rouge. Elle, donc, on manifeste la carte du dessus de notre library et elle donne Double Strike. Donc, carte tout à fait jouable qui va servir surtout si la carte qu'on retourne a beaucoup de power, comme par exemple un 4. Ce serait génial, mais donc ça va quand même avoir la force d'être de pouvoir trader avec n'importe quel morph. Donc je pense que ça va être vraiment ça son point le plus positif, là, à mon avis. Oui, ben le fait d'avoir. Ben, on a parlé de First Strike tantôt, Double Strike, c'est définitivement meilleur que First Strike. Ça rend la 2-2 vraiment raisonnable. Puis là, ben, si c'est une créature là, qui est en dessous, là, ça peut dégénérer rapidement. Ouais. On a déjà vu qu'est-ce que Dragon Style Twins faisait dans l'autre format. Cette carte-là a le potentiel de faire des ravages. Yep. On va continuer avec Goblin Heel Cutter. Donc c'est 3 colorless, un rouge pour une 3-2. Et là, c'est la première fois qu'on va parler de ce mot-clé-là qui est dash 3. Donc, dash 2 colorless, 1 rouge. Et dash, ce que ça fait essentiellement, c'est que vous pouvez jouer votre carte, elle gagne haste, et à la fin du tour, on la retourne dans nos mains. Donc, vous avez le choix soit de la jouer pour 4 et qu'elle reste en jeu, ou pour 3, mais là, il faut la retourner dans nos mains à la fin du tour, mais elle a haste. Et elle a une belle petite habilité d'attaché qui est, à chaque fois qu'elle attaque, target creature can block this turn. Donc, on peut s'imaginer des scénarios où on met notre créature, on la casse pour son dash, par exemple, 3. Toi, tu peux pas bloquer, 3 dans tes dents, je reprends ma carte. C'est à toi. Tu sais, ça risque d'être quand même une carte qui donne, de l'inévitabilité à quelque part. Je sais pas comment tu perçois cette carte-là. Ça peut être une commune, mais je pense qu'elle va avoir pas mal d'usages intéressants. Dans des courses serrées où vos adversaires vont laisser un ou deux bloqueurs attaquer avec une ou deux créatures, Ça peut changer rapidement les mathématiques du combat, puis complètement bousiller ses plans. Si vous avez un tour 2 dans ça, tour 3, empêcher de bloquer avec s'il y a juste un bloqueur, rentrer du dégât ensuite de ça, le tour d'après le caster, c'est raisonnable. C'est correct, là. C'est sûr que ça peut être un peu intense sur le mana, mais souvent en shield, vous allez avoir de quoi faire avec votre mana. Ça permet d'avoir un. C'est peut-être pas optimal, mais ça vous permet de faire quelque chose avec votre mana à chaque tour. Ce qui au final, rend ça peut-être un petit peu plus optimal, même si c'est pas l'idéal, si on veut, là, de ce que vous voudriez faire dans une partie. Ça rend la chose correcte. Puis c'est ça un peu l'avantage de ce format-là, de Khans of Tarkir, c'est que les cartes ont une polyvalence au moment où vous la jouez dans la partie, ce qui fait en sorte que vous avez à peu près tout le temps quelque chose à jouer. Puis je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les gens aiment ce format-là. Puis Dash va faire partie de ces choses-là, même si c'est pas une habilité que je trouve très puissante. Ça donne des choix puis des décisions à faire. Puis ça, pour ça a sa valeur. Donc il y a plusieurs Puis petites sur cartes. Goblin et Ilkhotar, c'est probablement une des meilleures cartes Dash commune ou uncommon, étant donné que ça empêche de bloquer. À partir de nulle part, vous pouvez enlever un bloqueur. C'est assez puissant. Donc il y a plusieurs autres petites cartes dont on n'a pas parlé dans le rouge. C'est une couleur qui a peut-être un peu moins de profondeur. Reste que, bon, il y a des cartes qui vont avoir leur utilité dans certains scénarios, c'est sûr et certain. On pense à Wild Slash, par exemple, coûte 1 qui fait 2. C'est sûr qu'on va trouver une utilité à une carte comme ça dans notre pile. Moi, il y a une carte que je trouve qui peut avoir son intérêt, qui est une carte, bon, peut-être marginale, mais Timur Battle Rage. On peut toujours, avec un Combat Trick, il n'y en a pas des tonnes, mais dans Jeskai ou dans Timur, on pourrait sûrement trouver une utilité pour ça, mais en gros, là, rouge, une couleur qui pour moi est encore un petit peu décevante, mais que je vois bien qu'il peut être une couleur pour supporter dans un clan, là. Moi, c'est même, je la vois en tout cas. Si vous êtes capable de contrôler là, avec Friendly Fire, si vous êtes capable de contrôler avec un Bound Spell, puis si votre adversaire n'a pas vraiment beaucoup de cartes dans ses mains, puis qu'il s'attend pas à ça, puis qu'il joue toutes ses lands à chaque tour, là, puis qu'il garde pas de lands dans ses mains, si vous êtes capable de contrôler un peu ça peut être bon. Mais j'hésiterais pas à la jouer gamer si je sais que je suis capable un peu de contrôler ce que mon adversaire a dans ses mains. Mais ensuite de ça, je l'enlèverai de mon deck si je sais que si mon adversaire a la connaissance de Friendly Fire, je l'enlèverai. Ouais, Friendly Il va Fire. juste garder plus de land dans ses mains, puis ben, ça va devenir assez. Ça, rapidement, Friendly Fire, ça coûte 3 et un rouge, donc 4, c'est en instant. Et au hasard, on prend une carte dans la main de notre adversaire et ça fait le dommage à une créature et le joueur pour le mana cost. Donc si on attrape un land, ça fait 0 pin bar. Donc ça, C'est ça. disons que le danger est là. Mais si votre adversaire a un Sibzig Mucdraggers parce que c'est un maniaque et qu'il veut jouer cette carte-là, ben ça fait 9 dans sa face, Ouais, c'est puis ça. il va commencer à parler. Contre quelqu'un qui joue Soul Tide, là, je le sortirais de mon sideboard juste, tu sais, pour le kick, puis ça peut être assez intense, là. Quelqu'un qui C'est joue très ça. bon contre les cartes d'Elves. Ouais, en effet. Bon, on va passer à notre dernière couleur, Renaud. Ça va bien, je trouve que ça avance à un bon rythme. On va aller avec vert et on va commencer le tout avec. Un petit peu, j'aimerais ça commencer avec les zones communes, mais sinon on va commencer avec une de la première que j'ai sur le bord. Donc j'avais noté Hunt the Weak. C'est une commune, mais on va revenir aux zones communes après. Donc c'est 3 colorless, un rouge, une sorcery, et c'est put a plus one counter on target creature you control. Donc on put un plus un counter, et cette créature fight. Donc c'est vraiment le Oh, ben removal vert, là, le fameux les fight, là. c'est le Underweek, c'est le fameux removal de M14 Ah qui ouais. revient ici Ah ouais, c'est vrai, c'est la même chose, c'est ça, je avec trouve. une profondeur supplémentaire à cause de Outlast Ok, ouais. qui fait en sorte que ça peut avoir ses avantages dans certaines situations. Puis en général, le fait qu'il y ait beaucoup de toughness dans le vert, puis dans Abzan en général, en fait. Fait en sorte que Underweek gagne de la valeur, contrairement à M15, parce qu'il y avait pas mal moins de toughness puis pas mal plus de tokens. Ouais. Donc, si vous aviez une évaluation de Underweek par rapport à M15, parce que vous avez commencé à jouer à M15, puis que vous trouviez que c'était pas une très bonne carte, dites-vous que c'était pas une très bonne carte dans le format M15, puis ça risque d'être une des meilleures communes de Fate Reforged pour le vert. Ok, ouais. Ou une des meilleures communes de Fate Reforged en général. Le vert est assez faible, je trouve. Ouais. Mais dans le vert, c'est pas mal ce que vous avez de mieux. Donc, ouais, on va y continuer. Donc, on va retourner aux zones communes. On va y aller avec Abzan Beastmaster, qui coûte 3, donc 2 colorless, 1 vert pour une 2-1. Et au début de ton upkeep, tu piges une carte si c'est toi qui contrôles la créature qui a le plus de toughness ou égal pour le plus de toughness. Ouais, ben là, on commence à parler. Tour 2, Archer Parapet, hein? Tour 3, Absent Beastmaster. Il y a des grosses chances que votre adversaire doive passer un remover sur Absent Beastmaster. Oui, parce que sinon Au c'est un peu plus, hors de contrôle. disons-le, au plus calice. Ouais. Non, mais sérieusement, Ah oui, vraiment. c'est une créature qui doit absolument tuer. Ah ouais. Et puis, je suis tout à fait intéressé à ce que Bolster aide mettre des compteurs sur cette créature-là, puisque je veux qu'elle survive le plus longtemps possible et que je puisse jouer le plus de cartes possible. Yep. Excellente carte, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça va... C'est le genre de carte justement qui peut être sous-estimée par certaines personnes. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de raisons de jouer vert à part les rares Ouais. et les mythiques dans cette série-là. Mais Abzan Beastmaster est une raison de jouer vert parce que ça peut piger beaucoup de cartes. Yes. On va continuer dans les zones communes avec Sudden Reclamation, 3 colorless, 1 vert, c'est un instant et. On prend les top 4 cartes de notre library, on les met dans notre graveyard et on retourne une créature et un land de notre graveyard dans notre main. Oui, ben Ouais. c'est un instant. Ça rend Ouais. la chose quand même intéressante pour ça. Ouais. Puis, dites-vous que vous choisissez la carte C'est ça. et la land parmi toutes les cartes qui sont dans votre cimetière. Voilà. Donc, pas juste parmi les quatre cartes que vous révélez, donc vous pouvez ramener une créature qui était morte avant. Puis le fait que ce soit un instant fait en sorte, comme on a parlé tantôt avec les morphs, fait en sorte que vous pouvez laisser vos morphs la possibilité de démorpher pendant le tour de vos adversaires pour bluffer ou autre. Puis s'il fait rien, ben là, jouez ça. Puis j'ai des cartes. Puis Ouais. j'ai des cartes dans le vert, c'est une des meilleures choses que tu peux Ah faire ouais. parce que les créatures sont bonnes en général, beaucoup de power. Et puis c'est quand même une habilité qui est souvent réservée au bleu ou au noir, je dirais. Ouais. Le fait de pouvoir avoir ça dans le vert, c'est une deuxième commune qui permet de le faire, là. Puis avec Delve, ouais. Ça rend ça spécial. Puis avec Delve, tout à fait, là, ben là, on parle même pas, là, ça met quand même 4 cartes dans votre gravière. Donc, ça met du mana finalement dans une espèce de petite banque en attendant. On passe à la prochaine carte que j'aime bien. Teemer Sabretooth, 2 colorless, 2 verts, c'est une 4-3. Et on peut payer 2, donc 1 colorless, 1 vert, et retourner une autre créature qu'on contrôle dans nos mains. Si on fait ça, Sabretooth gagne indestructible. Donc, c'est quand même ça. Pour moi, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que on l'a vu depuis tantôt dans. Le format. Il y a moyen d'aller optimiser ce qu'on va se renvoyer dans nos mains en plus. Là. Donc, belle petite carte qui finalement 4-3 pour 4 aussi, c'est pas ce qu'il y a de pire sur la balance et va certainement pouvoir gagner indestructible et gagner plusieurs combats là, à mon avis. Là. Oui, ben indestructible, c'est non négligeable. Et puis 4-3, c'est correct là, pour 4 mana, mais on a parlé de Jeskai Barricade tantôt, puis ça c'est pratiquement infini, Jeskai Barricade. Puis si vous en tapez avec ça, ben il n'y a plus aucun removal qui va toucher à vos créatures. Donc, C'est belle aussi petite. simple que ça. Et voilà. On continue avec Winds of Khalsisma. Coûte un colorless, un vert. C'est un instant. Et on prévient tout le combat de dommages qui serait fait ce tour-ci. Donc, c'est Fog. Moi, pas vendu pour 2 scènes. On va aller voir ce que Ferocious nous dit. Si on contrôle une créature qui a 4 ou plus, plutôt que de prévenir le combat, on prévient le combat des créatures de l'adversaire. Donc finalement, ça devient un fog d'un seul côté, et là on jase. Mais avant ça, désolé, mais moi je suis pas dans le bateau du fog pour 2 sous. C'est raisonnable avec en sachant que dans le format, il y a des cartes comme Trumpet Blast ou Rush of Battles. Ouais, ok. C'est une carte raisonnable en sideboard, disons. Ouais, ouais. C'est pas désagréable d'avoir accès à cette carte-là, mais le Ferocious fait en sorte que ça peut mener à des destructions complètes et totales de vos adversaires. Encore là, c'est une carte très situationnelle, fait que c'est pas le genre de choses que je veux beaucoup dans mon deck. Si j'ai plusieurs façons d'avoir Ferocious, puis que j'ai environ 16 ou 17 créatures, c'est probablement un des sorts que je voudrais dans mon deck. C'est clairement, parce par que... exemple, le genre de carte, excuse-moi Renaud, mais qui justement, quand si l'autre fait une attaque un peu spéciale, puis qu'il y a 2 mana, là, faut pas que j'oublie de cette carte-là, dans le fond. C'est clair que s'il y a une attaque qui a l'air un peu suspecte, c'est le genre de carte qu'il faut connaître parce que effectivement dans un peu release là, on peut perdre à cette carte là puis c'est le genre de carte qu'il y a plusieurs types de joueurs qui aiment jouer puis c'est une carte à connaître là, c'est sûr, mais moi personnellement c'est pas le genre de carte que j'adore parce que admettons que tu veux prévenir du dommage ce tour-ci, mais tu vas vouloir le prévenir le tour d'après, mais tu l'auras plus la carte, fait que tu sais, souvent je trouve que si ça fait pas que tu gagnes le tour d'après, c'est une carte de perdu dans ton deck. Mais le fait que là elle ait un autre mode qui est pas si dur que ça à activer, là c'est clair que ça lui donne plus de valeur. C'est ça. Mais ça prend un bon deck Temur avec comme quasiment 20 créatures pis ça. Ouais. Là, tu commences à parler. Là. Ouais. Tu n'as pas le choix de faire des blocs à un moment donné puis ça va juste le détruire. Ouais. Mais bon, c'est encore là conditionnel et situationnel. Mm-hmm. Mais j'aime le fait que tu dis dans un deck il y a plusieurs créatures où on pense pas là, que c'est justement là, qu'on fait haha, tu pensais me tuer ce tour-ci, mais tu l'as pas. Mais oui, mais je te tue le tour d'après. Donc vraiment, plutôt qu'une carte qui peut faire complètement changer le match de bord à un moment bien précis, qu'on, en bon français, on la set-up bien, on la prépare, puis c'est une carte qui peut offrir un service, mais je pense qu'il faut pas avoir peur de sideboarder cette carte-là si on joue contre quelqu'un ou qu'on se rend compte que notre deck n'est pas exactement fait pour ce type de carte. On voulait parler de Whisperer of the Wild, mais juste avant, Renaud, j'aimerais juste qu'on compare deux cartes rapidement. C'est la carte Caged Defense, qui coûte 2 colorless, 1 vert, qui est une sorcery et qui bolster 3. Et on va la comparer à Map the Waste, qui coûte 2 colorless, 1 vert. Donc, même prix, sorcery également, et c'est bolster 1 seulement, mais on cherche aussi notre library pour un basic land et on le met sur le battlefield tapped. Donc j'aimerais ça qu'on compare les cartes parce qu'elles coûtent le même prix, les deux ont bolster, mais il y en a une des deux qui a bolster 3, l'autre qui a bolster 1, mais cette carte-là nous permet d'aller chercher un land. Si tu avais à choisir entre une ou l'autre, laquelle tu prendrais puis pourquoi? Tout d'abord, là, je veux dire que j'ai réfléchi un peu à ouais. Ça, puis ça fait pas tant que ça, tu sais. Mm-hmm. Bon, bolster 3 pour 3 en sorcery. Ça commence à être limite là. Ouais, vraiment. Surtout avec la quantité de bounty spell qu'il y a. Ouais, moi je trouve pas que ça vaut le coup. Si j'ai à choisir entre les deux parce que c'est ça ta question, moi, je ouais. Prends Map the Waste parce que surtout en draft. Ouais. Si je dois absolument jouer ça parce que j'ai plusieurs couleurs dans mon deck. Mm-hmm. Des créatures en place. Tout ce que je veux, c'est qu'elle ait un counter dessus pour avoir l'habilité de en place. J'ai pas vraiment besoin qu'il y ait 3 counters, puis la plaine de plus peut me servir plus que les 2 counters supplémentaires que l'autre carte offre. Donc, Map the Waste serait mon choix, mais à moins vraiment d'avoir 3 Enyok Bonkin dans mon deck, mm-hmm. puis des cartes qui coûtent vraiment plus cher. Je serais pas excité là, de jouer Map the Waste. Ouais, excellent. Donc, tout ça pour dire que, en tout cas, à mon avis, Bolster 3 pour 3 en Sorcery, moi, je trouve pas que ça vaut une carte. J'ai hâte de voir en jeu, peut-être que je vais changer d'idée en jouant, mais justement, comme tu dis, il y a trop de bounce, il y a trop de possibilités de blowout, je trouve, pour mettre une carte dans mon deck au complet pour 3 en sorcery, pour 3 de power et de toughness, peut-être. Non, en tout cas, personnellement, c'est pas mon choix. Puis au moins, map de waste, ben, t'es sûr d'avoir ton land, ça te fixe un peu et ça bolster 1, donc c'est déjà mieux. Mais effectivement, c'est pas le genre de carte que je vais mettre dans tous mes decks. On va terminer vert avec Whisper of the Wild. C'est une carte qui coûte un colorless, un vert, qui est 0-2 et qui nous donne un de mana vert. Donc jusque-là, c'est un drôle de la Noir Elf, mais qui a Ferocious, et dans ce cas-là, ça donne 2 verts. Donc si on a une créature qui a 4 de power ou plus, elle nous donne 2 verts. Là, je trouve que là, on commence à jaser. Qu'est-ce que tu penses de Whisper of the Wild? Il marche un peu moins bien, je pense. Excuse-moi? Je t'entends moins bien, ton son il commence à laguer, je sais pas qu'est-ce que... Ok, je vais écouter dans l'enregistrement tantôt, voir qu'est-ce que ça dit. Mais je vais reprendre. Donc pour Whisper of the Wilds, je la décrivais qui était un colorless, un vert, 0-2 pour un mana. Donc, ben ça, j'ai entendu, tout entendu. Okay. Mais c'est juste que ça glitch. Ok, parfait. Whisper of the Wilds, c'est vraiment une des communes vertes de qualité que vous voulez avoir là, dans votre deck, je crois. De pouvoir passer de 5 à 7 mana, ouais, et démorpher plus rapidement un Woolly Loxodon. C'est ce que vous voulez faire si vous jouez vert. Ouais. Donc oui, avoir accès à plusieurs mana, c'est important. Bon, le fait que ce soit une 0-2, pas super. Là, c'est pas Sylvan Caryatide, par exemple. Là. Non. Mais c'est une commune. Ouais. C'est une commune qui a beaucoup de potentiel, puis qui va donner votre mana un petit change. Yep. Donc voilà, ça fait le tour pour les cartes de couleur. On va aller faire un tour rapidement auprès des artefacts. Il n'y a pas grand chose à dire, à mon avis. Tu voulais nous glisser un mot sur Yugen Construct. Vas-y, je t'écoute. Oui, ben Yugen's Construct, 4-5 pour 4. Billowing Saddlebrood, c'est tout à fait jouable. Puis ça a le désavantage que vous devez jouer une autre créature pour ne pas perdre 4 de vie. Puis est noir. Là, ouais. 4-5 pour 4, colorless. On commence à parler. Ouais. En général, en sealed, ben, je ne voudrais pas jouer trop de two-drop de couleur de toute façon. Mm-hmm. À moins que ce soit vraiment des two-drop de très grande qualité. Puis le 3-drop que je vais voir jouer ben, la majorité du temps, c'est soit un Manifest, Soul Summons ou Rite of Being. Ce qui fait en sorte que j'aurai pas à sacrifier parce que c'est colorless. Ouais. Donc, si vous êtes capable d'avoir une morph tour 3 dans Yugen's Construct tour 4, c'est un bon départ. Quand on commence à parler, ça commence à être très intéressant. Ouais. L'autre artefact qui est vraiment intéressant, c'est Hero's Blade qui coûte 2 colorless, puis 4 à équiper, puis qui donne plus 3, plus 2. Ouais. C'est des bonnes stats. C'est pas trop si machette. Mais c'est des bonnes statistiques quand même. Plus 3, plus 2, ça commence à être vraiment un bon bonus. Ouais. Et si vous êtes chanceux et que vous ouvrez Yasova ouais, c'est ça. Ou Alesha, mm-hmm. Puis vous êtes capable d'équiper gratuitement, ben là, ben, vous allez probablement gagner 3 paquets pour votre priorité. Ouais, puis si vous la jouez tour 2, bon, à moins de jouer contre un deck hyper agressif, la curve est importante. Avoir une board presence, une présence sur le board tour 2, c'est très important, mais jouer un Hero's Blade tour 2, pas mauvais non plus. Sinon, ben ça peut être combiné un peu plus tard. Donc, ouais, ben, bonne petite carte que j'aurais pas peur de jouer. Finalement, il nous reste tout simplement la série de sorts des instants qui sont deux couleurs. Donc, il y en a une qui est noir-blanc, bleu-rouge, vert-noir, rouge-blanc, et il y en a une qui est vert-bleu. Je ne sais pas comment tu veux qu'on approche ça. On fait-tu le tour ou bien tu nous les classes? Ben moi, je te dirais que la celle qui demande quand même... Il y en a deux qui demandent quand même un bon nombre de préparations. Ouais. Mais c'est pas mal le déroulement normal des parties. Warflare puis Arche Sustenance. Okay, ouais. Warflare coûte 2 colorless, un rouge, un blanc. C'est en instant, donc contrairement à Rush of Battles. Oui. Les créatures que tu contrôles gagnent plus 2, plus 1 jusqu'à la fin du tour, mais aussi tu les untapes. Donc ça permet d'attaquer dans des bloqueurs. La personne, si elle ne bloque pas, ben, elle peut prendre tout le dégât en face ouais. de ton Warflare. Probablement qu'elle va essayer de faire des blocs un peu ou quoi que ce soit par rapport à ça. Puis là, si tu le joues pas, ben, elle saura pas nécessairement si tu l'as pas eu parce que tu peux juste le caster après ça en défense puis bloquer toutes ces créatures. Dans les deux cas, si vous avez Warfare dans votre main avec 3-4 créatures en jeu, de bonnes chances que vous gagnez cette partie-là, puis votre adversaire ne pourra rien faire, ni sur l'attaque, ni sur la défense, pour prévenir votre victoire. Donc une carte gardée en tête, c'est clair. Je flaire que vous allez gagner. Et puis, Arche Sustenance, mais là, ça vous récompense pour avoir des tokens, garder un board où est-ce qu'il y a plusieurs créatures. Ça récompense le fait que vous ayez pas trop de removal dans votre deck, puis que vous soyez capable de stabiliser le board avec plusieurs créatures. Puis là, ça a l'avantage de pouvoir aller autant sur une créature pour détruire un bloqueur clé, ou dans la face pour finir une partie. Puis aussi, ça vous permet de gagner à peu près toutes les courses parce que ça va vous gagner de la vie, ça draine. Tout ça pour le moindre coût de 3 mana en instant. Et Un avoir colorless, un blanc et un noir. Et Je avoir trouve que c'est quelques vraiment créatures. entre Warflare et Arche Sustenance, là, c'est pas mal égal sur le même niveau, Ouais, c'est ces de la deux bonne cartes-là. carte. Pas loin derrière, je trouve que Eternal Ambush en donne beaucoup pour votre argent. De manifester deux cartes de votre librairie en instant. Pour 5 mana, c'est correct. Ouais, tout à fait. C'est 5, c'est un sweet spot. power pour 5 en instant, c'est raisonnable. Puis là, si vous manifestez des créatures avec ça rend la chose encore meilleure. L'autre, là, par exemple, on descend pas mal en qualité. Cunning Strike, là, pour 5 mana, 3 colorless, un bleu, un rouge. Ça fait 2 dommages à une créature, 2 dommages à un player, puis vous pigez une carte. Non. C'est correct parce Ouais, que mais. j'ai une carte, Ouais. mais il y a beaucoup d'autres choses à faire avec 5 mana. Le Ouais, fait que il ce y a soit. quelque chose qui cloche avec cette carte-là. Ouais, il y a quelque chose qui cloche, tout à fait. On est loin d'Electrolyze, là. Oui. Et puis, ensuite de ça, Grim Contest, probablement une des moins bonnes cartes. Toutes les autres cartes, vous êtes capable de faire de la valeur, avoir. Un 2 pour 1, Ouais. même si c'est Cunning Strike, ça fait quand même un 2 pour 1. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est correct, dans le fond, c'est ça. C'est un 2 pour 1, tant mieux, on est content, mais quand même, pour 5, Arche ouais. Sustenance, c'est pas un 2 pour 1, mais ça peut juste finir une game sur le spot. Grim Contest, vous avez des possibilités de que ce soit vous qui soyez du bord du 2 pour 1, puis que vous fassiez soit démolir par un bolster en instant qui augmente la toughness de la créature que vous avez ciblée, ou. Tout simplement un remover en instant qui détruit votre créature, puis là, il se passe rien. C'est un instant. C'est sûr que c'est un peu meilleur que On the Week. Si vous êtes capable de caster, c'est un petit peu meilleur que On the Week parce que c'est un instant. Ça vous donne la possibilité de faire quelque chose avec Archer Parapet parce que ça va faire 5 de dégâts. Donc c'est raisonnable. Mais je suis pas un grand fan. Ouais. Alright. Ben écoute, Renaud, super. Un beau tour d'horizon, je trouve. Évidemment, pour les auditeurs, il y a des cartes dont on n'a pas parlé qui sont intéressantes, qui vont probablement être jouables et jouées. Mais je pense qu'en écoutant cet épisode-là, ça vous donne un portrait global de ce qui se retrouve dans Fate Reforged et que vous allez voir demain soir, en fait, samedi de matin, dans votre avant-première de Fate Reforged. As-tu autre chose à ajouter, Renaud, avant qu'on. On ramasse nos petits puis qu'on s'en aille se couffrir. Ben, bonne chance à tout le monde. Jouez Ouais. bien, faites des bons choix. Je vous souhaite d'ouvrir des bonnes cartes aussi parce Ouais. que bon, Toujours le fun. l'avant-première, c'est là pour ça. Ouais. S'amuser surtout, prenez-vous pas trop au sérieux. Ouais. C'est bien de se préparer pour bien jouer puis offrir une performance digne de ce nom, mais c'est pas un PTQ ou un Grand Prix, là. Fait que. Prenez votre mal en patience, puis si vous perdez, ben, vous perdez, puis c'est tout, là. C'est pas plus grave que Ouais. ça, l'important. Ensuite de ça, moi, ce que j'aime faire dans les pré-releases, c'est de demander, après ça, de montrer le pool que j'avais, à chacun de mes adversaires, puis de discuter avec lui aussi, puis d'essayer de trouver des choses que j'aurais pu faire autrement ou que lui aurait pu faire autrement dans ce cas. Puis j'apprécie ça quand mes adversaires commencent à discuter avec moi de stratégie après la partie. Ça rend l'expérience du pré-release plus intéressante. Ouais. Profitez-en aussi pour apprendre à des nouveaux joueurs. Essayez pas de vous sauver avec quatre paquets. On s'entend là. Tu sais, comme dans un pré-release, les prix, c'est souvent des prix marginaux, juste pour dire que vous avez gagné, oui, là, pour reconnaître que vous avez gagné, oui. Mais c'est pas un événement compétitif. Donc, prenez votre temps, laissez-vous. C'est des nouvelles cartes, laissez les joueurs revenir si possible sur la décision dans la limite, bon, du raisonnable, Oui. on s'entend. Mais si c'était une erreur, puis vous voyez que c'est une erreur, que c'est juste parce que ben, il n'a pas lu la carte comme il faut, puis qu'il pensait que c'était Power, puis pas Toughness sur Grim Contest, là. Ouais. Tu sais, arrangez les Ouais, je suis d'accord situations. avec ça. Soyez Ouais, pas, soyez pas, soyez pas des mauvais garçons. ouais. Ouais, c'est de rendre l'expérience, je pense, le fun. Tu sais, faut quand même que le jeu soit joué selon les règles, qu'il soit bien joué, mais en même temps, le but, c'est que tout le monde ait une expérience qui va être plaisante, puis que tout le monde ouvre des paquets, puis de faire Remarquez que. bien, c'est sûr que si je joue contre Philippe Asselin, Ouais. je lui laisserai pas de chance, tu sais. Nope. Mais si vous jouez contre le jeune de 12 ans qui est là avec son père puis qui vient une fois par an, ben, une fois à chaque sortie de set puis que vous le voyez plus après, puis que vous le faites chier, demandez-vous pas pourquoi vous le voyez plus après, tu sais. Fait que laissez-le jouer, apprenez-lui à bien jouer, Il y a du puis plaisir. probablement qu'il va revenir jouer avec vous après ça dans des événements plus compétitifs, puis là, ben, vous le battrez sans merci. Alright, bon ben sur cette note de battre des enfants de 12 ans sans merci dans des événements compétitifs, on vous dit merci d'avoir écouté l'épisode, puis on se revoit en début de semaine prochaine avec un épisode dont on a très hâte de vous présenter. Magic 101 est de retour en force en 2015 et on se revoit très bientôt. Salut Renaud! Salut Guillaume!